Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 117e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Imagine la musique. Jim Ryan. Fallait le virer avant. Et on se retrouve avec l'équipe, une bonne grosse équipe de VR for Player qui est de retour pour vous jouer des mauvais tours. Intro vraiment naze, mais bon, voilà, c'est ce que mérite un petit peu l'actualité en ce moment. On accueille Gantz. Salut Gantz, ça va ? Salut Sei. Salut tout le monde. Est-ce que tu as bien geeké pendant ce mois et demi que tu as raté d'émission ? Donc non, pas énormément. J'ai été pas mal occupé, mais bon, quand même pu tester quand même un petit jeu sympa. Okay, il a joué à Peintre Simulator, mais en vrai. À Paint Simulator. VR. Ensuite, nous avons... C'est pas grave, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on a aussi El Rocco. Salut, El. Salut, la jeunesse. Comment vas-tu, El? On s'en va, on s'en va, on s'en va. On s'en va, le seul qui bosse toujours pour VR for Player en ce moment. Voilà. Ouais, c'est du plaisir, c'est du plaisir. Il y a du bon plaisir, il y a du plaisir un peu moins bon. Mais bon, c'est toujours marrant de voir ce qu'on nous chie sur le casque. L'exalté, tu commences à te faire une bonne base de fans, hein, j'ai l'impression, sur YouTube. Hein. Ouais, apparemment. Depuis que j'ai montré ma ganache, ça a établi une connexion. Le eye contact. Et puis, c'est toujours sympa. Même pour moi, quand je me regarde, c'est marrant de voir à quel point je pars un petit peu en couille des fois. Un petit peu, ouais. Léger. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir l'image en direct en fonction des manipulations. Parce que c'est vrai qu'en VR, c'est pas du tout comme en plat quand on regarde un petit let's play. Là, c'est bien. On imagine bien. En tout cas, ça plaît bien, c'est cool. Et ensuite, nous avons Laurent. Salut, Lolo. Hello tout le monde. Moi je te croyais mort. J'essayais de me pendre mais la corde a lâché. Pas de bol. Ouais mais t'as essayé de te pendre avec un fil d'un casque autonome, c'est pour ça? Oui, voilà, certainement. Donc ça se détache. Du coup maintenant il est sans fil. Voilà. Parfait. Bon bah sur ces bonnes paroles, j'espère que vous allez bien les potos. Et j'espère que les auditeurs aussi vous allez bien. Depuis 3 semaines. On espace un petit peu effectivement les enregistrements du pod hein, pour avoir quand même un petit peu de matière à vous fournir pendant autour d'un VR, de retrouver quelques petites choses. Prochaine émission dans 12 mois. La prochaine émission du coup dans 12 mois quand il y aura la prise de parole de PlayStation sur le PSVR 2, s'ils ne l'ont pas oublié d'ici là. Je remercie aussi toutes les personnes qui commentent hein, les vidéos qu'on fait sur la chaîne de VR for Player sur YouTube. Les personnes aussi qui nous donnent des notes sur les applications de podcast. Et j'ai juste envie de répondre à une personne qui nous a dit sur la dernière émission, qui nous a conseillé en tout cas de peut-être essayer de voir à parler d'autre chose que du PSVR 2. On rappelle que ben, l'essence de VR for Player, c'est le PSVR, en tout cas la VR sur console, et non pas la VR sur PC, même si on en parle de temps en temps, ou la VR autonome, même si on en parle aussi un petit peu de temps en temps. Même si parfois c'est la même chose. Voilà, c'est. On pourrait proposer des recettes de cuisine. Voilà, on pourrait faire des tutos maquillage aussi. On pourrait faire pour. Ouais. Des éclatages de boutons. Des éclatages de boutons. On fait un podcast en ASMR. Ah non. Ça serait pas mal ça. Franchement. Bon concept. Je bouffe du saucisson à fond la caisse, tu vois. Je laisse tout pousser. Et après, je passe chez Laurent, il me les éclate en direct. Mais ça serait le bien. Premier podcast ASMR à 4, en même temps, on bouffe tous les 4. Voilà, avec des bruits de gorge. Bon concept. Comme ça, on changera un peu du PSVR 2. Non, mais c'était quand même un commentaire bienveillant qui disait alors, qu'on tenait un concept et que ça serait bien quand même qu'on crève pas avec le PSVR 2. C'est très gentil, en tout cas, d'avoir pensé à nous. Mais nous, on va bien, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Hein. On va continuer en tout cas à parler du PSVR 2 et puis à parler de la VR, ce qui nous plaît hein, tout simplement. Il y a quand même quelques petites news et Laurent, ça fait longtemps, au lieu de fumer là, et de détruire la santé avec ta cigarette électronique dégueulasse, on sait même pas ce qu'il y a comme produit chimique dedans, est-ce que tu pourrais voilà. CBD. On va commencer avec du fun, si tu veux. On va commencer avec le bilan financier de Sony. Non, avec non, des non, PowerPoints. Non, deux, deux prises de parole de Sony en une semaine, une le lundi, une le mardi. Déjà, et en plus on les attendait parce qu'on savait de bien à l'avance qu'ils allaient prendre la parole. Donc bah, ça fait monter la hype. De pied ferme, et on les attendait. Après, on redescend un petit peu. Donc la première prise de parole c'était lundi, donc le 13 mai. Donc c'est Sony qui a. Alors il y a eu une. Comment dire, une restructuration interne de Sony Interactive Entertainment. À compter du 1er juin 2024, le président actuel par intérim, qui a été présenté comme un président par intérim il y a quelque temps, Hiroki Totoki, donc qui, je vous rappelle que c'est à la base un comptable, donc c'est services financiers qui prend la tête de Sony Interactive Entertainment. Ben voilà, oui, c'est vrai que ça, c'est certainement qu'il est pas là. Ouais, il est certainement là pour redresser. C'est un passionné cours, du jeu vidéo, quoi. Clairement. Mmh. Il est là pour couper des branches. Ouais, mmh. Certainement aussi. Donc c'est pour ça. C'est quand ils ont dit que c'était un président par intérim. Pour moi, il reste par intérim parce qu'on se rappelle de John Codera qui était resté 18 mois avant l'arrivée de Jim Ryan. Et c'était également John Codera, il était également présenté comme un président par intérim. Donc on verra s'il restera ou pas. Hein, mais bon, il va faire un bout de chemin, il va rester là quelques mois. Il sera épaulé. Je me suis fait piquer par une abeille en direct. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait piquer par une abeille en direct. La pute. Mais pourquoi t'as des abeilles chez toi? Ah bah je sais pas, elle était dans mon dos. J'ai pas d'abeilles chez moi. Je l'ai senti, je l'ai vu. Ah, l'enculé. Ok. Ça a l'air passionnant. Je suis désolé. Ce que je raconte. Non, désolé, je suis en train de crever là. Et okay. Ouais, là t'es en train de gonfler là. Bon, continue, vas-y. Putain, mais faut que je fasse gaffe, dis donc. Ça se trouve, on a des abeilles chez nous. Eh, t'as chaud là, non? Ah ouais, j'ai chaud, ouais. Pourquoi il est bleu? Ah mais elle est encore là. Bah ouais, elle est encore là, ouais. Voilà. Bah ouais. Oh, mais elle a plus son dard normalement. Elle a plus son dard. Voilà, elle a pas tardé à crever, mais peut-être moi aussi en fait. C'est une abeille, une guêpe. C'est une guêpe. Ah, t'es allergique? Non, c'est une abeille. Ah, une guêpe. Ah, c'est une abeille. Non, c'est une abeille. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour dynamiser le pod? Non ouais. Mais si t'as besoin d'une piqûre, vas-y tout de suite. Hein. Attends, je sais pas ce que je vais faire. T'es pas allergique? Bah je crois pas, non. Bon, vas-y, continue. Ah, tu crois continue. Pas ah, genre, ce sera la découverte. C'est ça. Attends, entre la chasse si, si c'est ma convulsée, on s'inquiétera. Par contre, fais gaffe qu'il n'y ait pas le dard encore. Non, le dard, je l'ai enlevé. Vas-y. Jean, t'es où, moi? Pour un coup. Comment il s'appelle notre copain? Hiroki Totoki. Hiroki Totoki. Mm-hmm. Alors, la grande première, c'est que cette fois, il sera assisté parce qu'ils ont. Sony Interactive, donc PlayStation, ont créé deux nouveaux postes qui apparemment n'existaient pas avant, si je ne me trompe pas. Et donc, ces deux nouveaux postes seront assurés par Herman Hulst. Donc, c'est le Hollandais qui vient de Guerrilla Games, l'ancien directeur de Guerrilla Games, qui était aussi président, je crois, de PlayStation Production, ou PlayStation tout court, même, je ne sais plus. Ouais. Donc, du coup, lui prend un nouveau poste de PDG du studio Business Group de Sony Interactive. Et il va s'occuper principalement, si j'ai bien compris, de tout ce qui va être le software et également les PlayStation Productions, donc tout ce qui va être géré, tous les adaptations cinéma, les séries, toutes ces choses-là. Le film d'Hideo Kojima, voilà. Voilà, toutes ces choses. Et la deuxième personne, c'est Hideaki Nishino, qui est nommé PDG du Platform Business Group, qui lui va s'occuper plus du hardware. Alors Hideaki Nishino, on le connaît de longue date, parce que c'est lui, le 23 février 2021, qui avait rendu officiel que le PSVR 2 existait bien et que la PS5 aurait bien son casque VR. C'est également lui qui avait annoncé sur le PS Blog le design général du PSVR 2. C'est lui également qui qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Il avait fait une grosse interview sur Famitsu, donc ça c'était il y a à peu près un an, c'était au mois de décembre décembre 2022, et il avait répondu à toutes les questions, et c'est un peu lui qui a lancé le PSVR 2. Donc c'est intéressant qu'il prenne ce poste. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'au contraire il va plus du tout en parler maintenant? Ben ça on n'en sait rien. En tout cas, on sait que finalement le comptable Hiroki Totoki ne sera pas seul. Alors est-ce que c'est peut-être parce que je pense que Hiroki Totoki c'est peut-être pas forcément un très bon communicant, parce que depuis qu'il est arrivé, on ne l'a jamais entendu. Alors bon, il vient juste de commencer, parce que lui, il a démarré au 1er avril. Et donc, les deux autres vont commencer au 1er juin. Donc, ça va tout se passer. À partir de là, ils vont prendre les rênes, ils vont prendre les rênes et puis prendre peut-être la parole. Mais à mon avis, Hiroki Totoki, comme on disait tout à l'heure... C'est plutôt quelqu'un qui est peut-être là pour vérifier les comptes, pour redresser les barres s'il y a eu des erreurs passées. Et vu que ce n'est pas un très bon communicant, il va plutôt s'appuyer sur les deux autres pour communiquer. Donc on aura certainement plus de chances de voir des interviews de Hideaki Nishino et bien sûr de Herman Hulst. Mais quand même, on peut se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle selon toi d'avoir justement de dispatcher un petit peu plusieurs têtes pour... C'est peut-être pas une mauvaise chose. C'est jamais arrivé, ouais. Parce que c'est jamais arrivé. Jim Ryan gérait l'ensemble de ces... J'ai vraiment l'impression que c'est des postes qui ont été créés, ils ont vraiment dispatché. Donc Hiroki Totoki reste à la tête, c'est lui le chef. Mmh. Et en dessous, il y a les deux autres bonhommes, Hideaki Nishino et Hulst. Est-ce que c'est une bonne chose? Deux Japonais, un Hollandais, pas d'Américain. Pas d'Américain, c'est surtout ça vraiment l'information voilà. Par rapport justement à l'hégémonie de Jim Ryan qu'on avait... depuis quelques années, c'est vrai que... Et Jim Ryan n'était pas américain, hein. Il était anglais. Il était anglais. Ouais. Mais c'est peut-être une bonne chose de qu'il y en ait un qui se concentre sur le soft, l'autre qui se concentre sur le hardware. Nous, ce qui nous intéressera pour l'instant, ce sera plutôt Nishino, parce que s'il a parlé sur le PSVR 2, à mon avis, ça viendra de lui. Là, moi, maintenant, je vais plutôt scruter des journaux type Famitsu, des choses comme ça, où il risque d'avoir une interview. Donc, ce ne sera pas avant le 1er juin, parce que de toute façon, il va commencer le 1er juin. Mais... C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais qu'ils soient trois ou tout seuls, on divise. Ça fait moins de boulot, ils seront peut-être plus concentrés sur leur truc. Moi, je trouve que c'est surtout ça. Trois têtes, c'est toujours mieux qu'une, en fait, hein, pour justement gérer ce genre d'entreprise. S'il y en a un qui fait une connerie, il y a deux autres qui vont lui dire. Oh. Bah, disons qu'il y a concertation. Même s'il y a toujours en fait un groupe justement pour décider certaines choses, c'est bien quand même d'avoir trois avis différents, trois caractères différents. Justement pour essayer justement de pas prendre des décisions non plus trop juste dans un sens quoi. Donc, et puis t'as un japonais qui est quand même du bon côté, qui a annoncé le PlayStation VR 2, qui a donné plusieurs interviews en faveur du PlayStation VR 2. Donc c'est quand même C'est un peu lui le moteur. On va dire le papa du PSVR 2, hein, parce que il était quoi lui avant? Il a changé de poste. Hideaki Nishino, il était vice-président principal planification et gestion des plateformes PlayStation. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu une publication sur le PSVR 2, même avant qu'il soit sorti, ça venait toujours de lui. Donc là maintenant, tous les projecteurs sont sur lui. Quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Quoi. Et puis tu as le Hollandais aussi qui parlait de Call of the Mountain aussi. Ouais. Ah oui, oui. Donc, on l'a déjà vu avec un casque VR sur la tête. C'était le 29 février 2023, donc quelques jours après la sortie du PSVR 2. Depuis, il n'a jamais rien posté sur Twitter. Donc, non, mais au moins, c'est pour ça qu'il y en a qui se sont trompés, parce qu'ils sont allés voir sur son Twitter et ils ont cru que c'était qu'il venait juste de mettre le PSVR 2. Et en fait, non, quand tu regardes la date, ça date de l'année assez vieux. Quoi. Ah, c'est ça que j'ai vu passer. Je me suis fait avoir aussi, alors. Ah, pareil. Ouais. Mais bon, au moins, voilà. C'est Jim Ryan, lui, je ne l'ai jamais vu avec une manette entre les mains. Hein. Il était juste là pour dire, voilà le logo de la PS5, voilà le logo du PSVR 2. Et puis, basta. Mais oui. Donc, voilà. C'est vrai. Donc, au moins, il a touché. Moi, je trouve... C'est ce que je disais la dernière fois. Moi, je le verrais bien, ce gars, Herman Hulst, finir PDG de Sony Interactive à plus long terme, dans une vingtaine de mois, pourquoi pas. Et justement, qu'il y ait cette phase de transition, parce qu'ils n'étaient pas trop sûrs. Ils sont à 3, ils vont voir comment ça marche comme ça. Et puis, parce que je ne pense pas qu'ils vont laisser le comptable à la tête. Enfin, ça, je trouverais ça bizarre, mais bon. Ouais, mais juste le temps de gérer une crise, quoi, s'il y a une crise en tout cas chez PlayStation. Et puis voilà. Bah, je sais pas, ça doit les plutôt. Les chiffres sont bons. Hein. Voilà, ça vend 5 fois plus que de Xbox Series, apparemment. Donc d'un point de vue hardware, ils sont pas trop mal. C'est pas trop dégueu, ça va. le lendemain, donc le 14, il y a eu la réunion des investisseurs du groupe Sony, qui était présidé par Hiroki Totoki, donc bien sûr encore le PDG de Sony Interactive. Ça a été donc le 14 au matin, c'était le mardi matin à 9h heure française, donc on a pu suivre ça en direct. Sur le Discord, on était plusieurs à écouter tout ça, donc on a attendu. Il y a eu beaucoup de beaux chiffres qui ont été annoncés, mais pas grand-chose au niveau du PSVR 2, voire quasiment rien. N'est une petite mention, à la fin de ce compte-rendu, il y a toujours une retranscription de la vidéo. Il y a eu des questions, mais aucune question s'est portée sur... Bon, après, c'est le groupe Sony, donc c'était plutôt des questions sur les composants, sur des choses comme ça, pas grand-chose sur PlayStation. Il y a eu quelques questions sur PlayStation. Il y a eu quelques journalistes qui ont quand même commencé à titiller en disant comment ça se fait que vous n'avez toujours pas communiqué. La réponse de Totoki a été qu'ils allaient communiquer avant la fin du mois, donc d'ici 15 jours, il y aura des nouvelles. Ce qui laisserait nous faire miroiter l'arrivée d'un showcase qui est attendu, surtout quand on sait que le showcase 2023 avait été annoncé le 17 mai, donc demain par rapport à l'enregistrement de cette émission, et avait été diffusé le 24 mai, donc voilà, une semaine plus tard. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Deux petites mentions ou trois petites mentions de PlayStation VR qui sont en tout petit à la fin d'un des comptes rendus, mais absolument rien parce que les ventes de jeux étaient couplées aux ventes de l'ensemble des jeux. Donc comme ça, on ne peut pas savoir si les jeux PSVR 2 sont vendus ou pas. Et au niveau du hardware, le PSVR 2 étant apparemment considéré comme un accessoire, il était couplé avec la DualSense, la Edge, la Portal et tous les autres accessoires. Donc c'est pareil, on ne peut pas trop se rendre compte. Donc c'est un peu la déception parce qu'on s'attendait à au moins un petit mot ou une petite phrase. Je ne m'attendais pas, c'est sûr que dans un rapport financier, ils vont pas annoncer des jeux, c'est pas un showcase non plus. Mais par contre, un petit mot juste pour réconforter tout le monde et dire « vous inquiétez pas, il va y avoir une nouvelle vague de jeux » ou quelque chose comme ça, ça aurait été bienvenu, mais non, il n'y a eu absolument rien. Donc ce qui a tendance à continuer à démoraliser tous les joueurs PSVR 2. Je pense que justement, comme tu disais au départ, il y avait beaucoup trop d'attentes vis-à-vis de ce bilan, qui n'était pas forcément axé uniquement sur le gaming. Donc forcément, pas non plus sur le PSVR 2, parce que ça en fait partie. Ça a commencé quand même par parler justement de Sony Music, du streaming, ça ratissait vraiment extrêmement large, pour Sony en fait. Mais donc... Je suis pas sûr, non, parce que à la même époque sur le PSVR, donc avec la même durée de vie que le PSVR 2 a actuellement, après 1 an et 3 mois sur le PSVR, on avait déjà eu 4 annonces de chiffres de vente, dont une lors de cet événement-là. Donc là, à cette époque-là, ils avaient annoncé fièrement qu'il y avait 2 millions de PSVR qui étaient vendus. Là, on n'a rien du tout. On a eu que, je crois que c'était 6 semaines après sa sortie, on a su que ça tournait autour des 600 000. Et depuis, plus aucune nouvelle du nombre de ventes du PSVR 2, ce qui n'indique pas une bonne chose ni des bonnes ventes. Parce que si vraiment il avait tout cassé, ça aurait été des chiffres qu'ils auraient annoncés aux investisseurs. Donc... C'est un suspens. Par exemple, là, ils ont bien précisé qu'il y avait 59,6 millions de PS5 au total qui étaient écoulés. C'est pareil, quoi, ils ne l'auraient pas dit si les chiffres étaient mauvais. Donc voilà, on en est à peu près là. On ne sait pas trop où ça va. Ouais. Bon, ok. Bon, bah, en tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur cette. Sur ce bilan quoi, financier, voilà. Il n'y avait moi, pas je me suis amusé à ouvrir les retranscriptions des enregistrements. J'ai fait au moteur de recherche, j'ai cherché les deux lettres VR. Il n'y a absolument rien, mis à part des mots avec ou des mots comme ça où il y a VR. Non, même pas. Ou des mots, je ne sais pas ce qu'il y avait comme mots avec VR dedans. Mais non, il n'y a aucune mention du tout de la réalité virtuelle dans l'intégralité des rapports investisseurs. Bon, bah voilà, on ne sait pas si on doit être rassuré ou pas, mais c'est comme ça, quoi. À part les 4 petites lignes en tout petit en bas. Voilà. Et bah du coup, on va passer sur des trucs un peu plus joyeux. El Rocco, t'as plein de jeux qui ont été annoncés, plus ou moins, qui ont l'air plus ou moins intéressants. T'as fait un petit listing, il me semble. Ah, un vrai bordel. Un vrai bordel. Ouais, ça va partir dans tous les sens. Attention. Attention, ça va être du name drop. Hein. Ah oui, c'est. Accrochez-vous. Donc, alors, juste ce qui est annoncé et sorti. Ouais. Ok. Donc, celui qui, on va dire, le plus hypant, c'est quand même Alien Rogue Incursion qui nous a montré pas grand-chose. Mm-hmm. Juste que, voilà. Une image. Une image. Une image. Une image. Une image. Le Xenomorph. Du Xenomorph, mais la version Aliens, la version de James Cameron, qui était l'alien le plus action. Donc je pense pas que ça va être un jeu d'infiltration comme Alien Isolation, mais plus un qui jeu. Qui est exposé à Lyon. De quoi? Oh. Non, ça c'est la reine qui alien. Qui est exposée à... La reine alien, elle est à Lyon. Oui, mais c'est pas la reine alien de Aliens, c'est la reine alien de Alien vs Predator. D'accord. Eh ouais. Oh putain! C'est pas un bon film en plus. Mais c'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ce qui me fait dire que du coup, dans le style de jeu, en tout cas, rien qu'avec l'indice de l'artwork qui a été montré, bah, on peut voir, on peut en tout cas se douter que ça va être un jeu d'action et pas un jeu d'infiltration, quoi. Donc peut-être un truc de ce qu'on a l'habitude de voir avec tout ce qui est Vertigo. Bah d'ailleurs, attends, C'est pas Vertigo qui s'en occupe d'ailleurs. Non, c'est Survios. Survios. Ah, bah, Survios. C'est des bourrins aussi, Survios. Hein. Ouais. Oui. Donc, je pense que je verrais bien un truc coopération. Un petit peu comme ce qu'ils prévoient de faire avec Army, Sniper. Enfin, voilà, le jeu Sniper, la licence Sniper avec les zombies nazis. Voilà, donc je pense qu'on sera dans la tendance d'After the Fall et compagnie. En coop ou à deux ou à quatre. Toujours donc, dans la veine Aliens de Cameron. Mais ça peut marcher. Et ça peut carrément marcher. Ça peut carrément marcher. Enfin, mais il faut que voilà. Il y a des trucs qui font flipper parce que j'ai vu Quest par-ci, Autonome par-là. Donc faut voir. Si moi c'est comme d'habitude. Hein. S'il y a trois déjà, versions bien distinctes, je m'en fous. Mais le visuel que... il a ramassé déjà par rapport au premier visuel. C'est qu'un visuel. Après, oui, mais le premier visuel, il y avait de la fumée, il y avait de la profondeur, il y avait des lumières diffuses et tout ça. Et là, maintenant, ça fait plus ce jeu autonome. Ouais, mais le premier Alien était sorti sur PC, il me semble. Isolation. Parles, Isolation. Ouais. Il a jamais été en VR. Ouais. Hein. C'est un mode. Hein. Ouais, c'est un mode. Mais ouais, c'est un mode. C'était VR. Un jeu. Mais c'était un jeu PC. Enfin, c'était un jeu PC. Et, console. Et console. Et console aussi. Oui. Ouais. En même temps, ouais. Donc, il était beau celui-là. Hein. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il était beau. Mm. Et qu'avec le mode, bah voilà. Bon, en tout cas, on n'en sait pas vraiment plus, mis à part ça. Donc on verra. Mais bon, on verra. On verra aux images, on saura où est-ce qu'on met les pieds. Hein, si ça sent bon ou pas. Bah, sur donc, Vios, ils n'ont jamais fait du photoréalisme. Hein. Ils vont amortir le truc. Hein. On verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans les petites annonces sympas, il y a System Critical 3. je comprends même pas qu'il y en ait 3. Alors, je vous préviens, les annonces, ça va être les montagnes troisième russes. Partie. Hein. Il va y avoir des loopings. Attention, ça va dégueuler. Le jeu très attendu, System Critical 3. Là, franchement, moi, j'ai eu un petit plaisir coupable. Critical. J'ai eu un plaisir coupable à y jouer, et notamment le dernier level qui était... dans la veine des anciens jeux, voilà, bien rétro et tout. Bon, j'ai pas rejoué, mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à y jouer. Donc, à voir ce qu'il va faire, s'il va évoluer la recette ou je sais pas. En tout cas, moi, perso, je suis content. Attention, je vais chercher un truc de bien. Cherche bien. Alors, attention. On prend une petite montée et après ça va être une descente aux enfers. Il y a Prison Simulator qui arrive. C'est la montée, ça montée. C'est la montée, ouais, ça c'est la petite... c'est la petite... Ah, mais attendez la descente. Oh, donc voilà, c'est... Prison Simulator. Hein, donc, on va faire vite, hein, je crois, parce que... J'aurais dit que la montée, c'était Alien, mais bon. Alors, je sais pas si ça va être un truc genre 2 contre 2 ou quoi, parce qu'on avait l'air de contrôler à la fois les prisonniers et puis les gardiens. Donc, je sais pas si ça va être un truc genre massivement multijoueur ou ça va être un gros bordel en VR, j'en sais rien. Donc, et rien à voir avec le studio de Prison Boss, donc. qui était sorti sur PSVR. Ça n'a rien à voir. Ah non, Prison Boss, Prison Boss, c'est trébuché. Ils ont fait When Hell Leaves, qui était vraiment pas mal, oui. que j'aimerais bien voir justement sur PSVR 2, qui était trop aliasé sur le 1. Mais bon, voilà, ils préfèrent mettre Prison Boss sur PSVR 2. Comme quoi. alors attention, là c'est la descente. Alors on a Snow Scoot VR. Ouais. Oh, j'en tremble. C'est un peu comme Survival Man, Survivor Man, où on va être en Antarctique, où il va falloir certainement couper du bois, tout ça. Qui est pas moche. Survivre. Qui est pas moche, je trouve. Qui est moins moche que la moyenne que on mange en ce moment. Donc, il a l'air bon, propre. Voilà. Ce qu'on peut dire. Il est déjà sorti sur Steam depuis le 16 août 2022, donc quand même c'est un vieux jeu qui a un peu de bouteille et qui a quand même des évaluations très positives. Il y en a 21, on va pas non plus péter bien loin, mais a priori, ils sont combien dans le studio? C'est pas pire. 21. Ils sont 20. Il y en a un qui était malade. C'était 22. Il y en a un qui était malade et il n'a pas pu voter. Il y en a un qui s'est fait piquer par une abeille. Il n'a pas pu voter. J'en chie, gros. Hein, j'en chie. Vas-y, on continue. Ce chemos gun. Donc, tiens, un petit jeu là dont tu vas parler. The Murder of Sherlock Holmes. Oui. Donc, un jeu dans le style graphique. Voxel, c'est ça? Ouais, c'est en style voxel. C'est un jeu d'énigmes, c'est un escape game. dans un. J'ai pu l'essayer un petit peu sur PC. Le jeu, contrairement à ce qu'on pourrait penser justement sur la vidéo, est très très joli sous le casque. C'est un petit peu un style graphique à la Tears Down. Donc j'ai déjà parlé ici avec un moteur physique de fou. Là le moteur physique est quand même moins poussé, mais en tout cas voilà, dans le style graphique ça fait vraiment penser à ça, avec des jolis effets de lumière, des jolies projections colorées, c'est très chaleureux et ça fonctionne. C'est comme bien. le jeu dont tu avais parlé Caviar VR, VR Caviar, Paint the Town, Paint Red, the VR. Red, ouais. Ouais. Et ça me fait penser aussi à Cube. Cube. Le Minecraft-like qui est sorti aussi sur le PSVR 2. C'est vraiment ce genre de graphisme-là, c'est cubique, c'est fait exprès et graphiquement ça rend plutôt bien. Par contre, de ce que j'ai essayé pour le moment, en tout cas sur la version qui est disponible sur GOG, je crois, pour 20 ou 25 euros, un truc comme ça. Ou 19 euros. Les contrôles, c'est super laborieux. La physique, elle se veut réaliste, mais du coup, elle est plus contraignante qu'autre chose. Il y a plein de trucs qui vont pas. Pour le moment, on peut. Enfin, rien qu'il n'y a pas d'option en fait pour avoir la rotation fluide. En tout cas, quand je l'avais essayé, c'est uniquement du coup par coup. De l'angulaire. Et c'est mal foutu. Ouais. C'est vraiment digne en fait des tout premiers jeux VR qu'on a eu il y a des années quand justement les gens avaient peur, encore plus peur que maintenant, du motion sickness. Donc très joli graphiquement, mais une tannée à jouer en tout cas pour le moment de ce qui est disponible, de ce que j'ai essayé en tout cas. En tout cas, dès qu'on le gratte, on verra. Voilà. Et voilà pour Murder. Ensuite, attendez, qu'on descende pas trop vite. Alors, il y a Spin Rhythm, qui est un jeu de rythme, style. Alors, c'est un mélange. C'est un mélange de pas mal de choses. Du jeu que tu avais testé avec la guitare, Laurent, où tu as les notes qui arrivent à intervalles. Unplugged. Unplugged. Voilà. Et en fait, c'est plusieurs lignes où vont descendre des cubes de couleurs. Et avec. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça rappelle un petit peu les PS Move qu'on avait avant. Et avec le PS Move, il va falloir que tu tournes quelque chose de circulaire pour que la couleur soit alignée avec celle qui arrive et que tu tapes au bon moment sur la couleur au moment où elle arrive dans l'alignement. Et donc ça demande une dynamique où tu vas tourner dans tous les sens avec le move de gauche et puis que tu vas devoir taper en rythme avec le sense de droite. Donc c'est pas ma cam. Personnellement, les jeux de rythme, ça peut plaire. je comprends pourquoi. Bah, c'est mis un petit peu en avant par PlayStation parce que voilà, en général, ça fonctionne toujours. Hein. Ça fonctionne. Ouais. Le Beat Saber, les trucs comme ça, ça se vend. Le Synth Rider, ma femme, quand on y jouait, elle aimait bien. Elle était à fond. Donc voilà, les jeux de rythme, c'est les jeux de casual qui font un petit peu aimer la VR en douceur. C'est ça. Il en faut. Je dis pourquoi pas. Voilà. Même si personnellement c'est pas ce que j'attendrais ce que j'attends du PSVR. Ça manque d'aventure quoi. Ça manque de ça manque de sensations. Ensuite l'avant-dernier jeu Clean Sheet qui porte bien son nom. Ah non, Sheet Clean Sheet pas Sheet. Qui est un jeu où où on incarne un goal et puis il faut arrêter les ballons. Les ballons de foot. Voilà. Faire des clean sheets. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Donc, c'est mis en avant aussi par PlayStation, tout va bien. Todo Ben. Et ça coûte quand même 22 balles, hein, j'ai pas dit. Hein. Et ça coûte 22 euros. Et c'est dispo, hein, si vous voulez faire une blague. Laurent, grand fan de foot, se s'en occupera de celui-là. Non, parce que c'est pas ça que j'attendais. Il fait même plus d'efforts, lui, maintenant. Non. Bon, ok, bon. Non, moi le motion gaming dans du football, je trouve ça complètement con déjà. Donc il y avait Headmaster qui était sympa sur le PSVR. Oui, là disons que ça avait du sens parce que tu jouais avec ta tête. Avec là tu vas être gardien, donc tu vas jouer avec tes mains. Mais moi ce que je regrette c'est un jeu comme FC 2024 où tu es dans les tribunes et que tu joues avec ta manette et tu joues et tu vois t'es dans la tribune. C'est ce genre de jeu de foot que j'aimerais et avec Pro Evolution Soccer que tu peux avoir dans une tribune quoi. FIFA c'est ça que j'aimerais avoir ouais. Et avec mélange joueur flat et puis VR et puis je pense même bam boum hein. Même un jeu de tennis tu sais où tu sais derrière le joueur en fait tous les ouais plein de même un jeu de combat hein, où tu ouais, jeu de combat les mecs sur le ring basket, UFC tu prends de l'UFC et un simple jouer fait pour Capcom d'être ce serait, d'être ouais, dans une fighter. Salle ça serait top ouais ça défonce et il y aurait pas ça besoin ça de plus c'est ça. Ouais, plutôt que d'être le joueur, genre que tu fasses un Tekken où t'es le joueur qui s'en prend plein la gueule parce que tu sais pas te battre, tu vois, bah non, tu mets le même jeu non, mais vu de côté et puis basta. Et ça c'est marche. Tout. Flat, tout VR. Le mini-golf, je le comprends parce que tu as vraiment besoin de tes deux mains, c'est logique. Ah, mais c'est un autre délire, ouais, c'est un autre trip. Foot, ouais, mais du coup, vous aurez clean sheet. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Sheet clean sheet clean sheet. Voilà, accentue le i parce que sinon ça veut dire pas pareil. Clean sheet, allez. Et alors attention, parce que je l'ai même rayé tellement que voilà. Alors là, c'est une descente. Attention, descente là, d'organe. On est vraiment. Ah ouais, là c'est la verticale. Vous allez avoir l'anus dans la gorge, la troisième lombaire. Oh, attention, merci, c'est shave and stuff. Shave alors ça. And stuff. Ça, c'est du lourd. Vous incarnez un coiffeur barbier et vous devez coiffer les gens, les tondre, leur faire de jolies coupes de cheveux, des couleurs, tout ça. Faire pouic-pouic avec... voilà. Mais où ils vont chercher leurs idées? Je sais pas. Chez l'autonome. Voilà. Putain. Chez l'autonome. Je reste sans voix. Oh, puis toujours le des années et des années d'études. Toujours le même style graphique. Tu fais des années. Ah bah oui. Et puis tu bosses comme un taré pour arriver à maîtriser un Unreal Engine ou des machins. Tu es embauché dans une boîte et t'as un type complètement débile qui va dire ah ouais on va faire un truc de coiffeur en VR. Faire ça. Non mais tu vois c'est vraiment là, le genre de jeu travail, maintenant hein. c'est un tu truc que t'étais ou je sais pas tu changes de boulot. T'étais content de trouver ça sur Dreams par exemple tu vois c'était marrant sur Dreams parce que clairement. Oui sur Dreams oui. Graphiquement c'est un jeu Dreams quoi. T'étais content de l'avoir quoi, toi c'était sympa, mais en petite expérience, pas un truc que tu vas acheter, je sais même et pas. Et en gratuit, tu vois surtout. Ouais, parce que quoi, surtout c'est 15 balles ça. C'est 15 balles. Ça c'est 15 balles. Et le truc. Mais même gratuit, j'en veux pas. Et le coup de couteau dans le foie là, c'est les 22 avis qui hissent le jeu à 4,73 sur 5. Le fun. Non mais je comprends pas moi. Il est sorti quand lui? Bah il est, je sais pas, il est sorti. C'est déjà trop. Bah il est sorti le 10 novembre déjà sur Steam 2023. D'accord. Et voilà quoi. Ouais, et bien écoute. Et donc, pas comme et ça un truc. Vendre du PSVR 2. Hein. Un truc, il est sorti sur PSVR 2 là. Allez, il est sorti là. Ouais, hein, vous pouvez y aller. Arrêtez le podcast. Il y a dû sortir début de semaine. Achetez. Ouais. Mmh. Foncez. Et juste voilà, pour ceux qui comptent l'acheter, justement, en plus, il y a un petit truc qui donne toujours envie, en tout cas, c'est que le jeu est toujours en accès anticipé sur Steam alors qu'il est sorti le 10 novembre 2023. Il est toujours en accès anticipé. Donc achetez-le, allez-y, les yeux fermés, vous pouvez y aller, quoi. Tout doux bang, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, c'est un petit peu le medley de tout ce qui se fait... de tout ce qui se passe, à peu près. Non. On garde quand même le plus croustifondant à la fin. Bon, alors oui, deux petites news encore, je m'y colle et après je m'arrête, hein, je bois un verre d'eau. Une news qui fait pas plaisir, mais qui fait quand même plaisir, c'est Wanderer Fragment of Fate qui a été retardé jusqu'à... Alors lui, ouais. Bah, c'est normal, c'est un jeu. C'est un jeu. Donc c'est dans la dizaine de septembre, 11, 12, 13, je sais plus. Mais au moins on aura le temps de vérifier. Et voilà, et les développeurs ont communiqué voilà, en pleine nuit et ils ont besoin de temps. Parce que voilà, ils veulent intégrer énormément de choses qui sont en rapport avec les fonctions du casque. Et ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'ils essaient des choses, qu'ils essaient de peaufiner, de policher leur jeu pour qu'ils ratent pas sa sortie. Parce que lui, voilà, je pense que si ça fait partie des jeux qui n'ont pas le droit de se louper, de foirer, ouais. Bah voilà, il en fait partie. Il en fait partie. Comme ça a été pour OVR Dark et Madison VR. Ouais. Donc s'il faut une OVR Dark, il y a aucun problème. Prends le temps que tu veux. Je les sens bien. Je les sens bien. Ah mais non, mais cherche pas, hein. T'as vu ce qu'ils ont fait, la version PSVR par rapport à la version PC, et même la version autonome, hein. Pour un jeu de cette trempe-là, même une version autonome, elle passait très très bien. Ce qu'on voit en plus dans le comparatif que vous pouvez retrouver sur la chaîne secondaire VRAC, là, même avec ce comparatif, on voit quand même qu'ils savent faire les choses bien par rapport au hardware. Optimisé par rapport au hardware. Bien adapté selon l'hardware, c'est voilà. Pas le cas de tout le monde. Et puis c'est malin de le sortir en septembre parce que vu l'état de hype en ce moment autour du PSVR 2 et les ventes qui n'ont pas l'air jojo, le sortir en juillet-août, ce serait un peu bête parce qu'il fait trop chaud et les gens ils jouent pas forcément puis, l'air quand il fait trop chaud. Tout le monde est parti. Et tout donc est parti, en septembre, là tu recommences une année, tu sais que tu vas aller dans le froid et t'es plus motivé juste avant les fêtes de Noël, c'est plus sympa d'acheter un jeu comme ça. Quoi. Donc c'est malin. Et ça leur laisse le temps surtout de le peaufiner. Allez-y à fond, quoi. Ah non, mais aucun problème. Donc voilà, plutôt bien. Petite sortie, le petit delayed. et ensuite, on le savait déjà un petit peu, mais ça a été officialisé. Le jeu d'horreur, aventure horreur, OVR Dark, a son édition physique qui vient de popper. Il n'y a pas de prix. Ce sera livré avec un code de Do Not Open qui ne sera pas en VR, qui sera en plat, mais il est aussi très très bien en plat. Mais c'est très bien ça en plus, comme ça, vu que les deux jeux sont complémentaires, c'est cool. Voilà. Et c'est pas le même style, mais il est bien aussi. Ouais. Ouais. Do Not Open, il instaure l'ambiance, il démarre une histoire qui peut s'étoffer, qui s'étoffe déjà très très bien avec OVR Dark. Do Not Open Story, et qui peut encore aller beaucoup plus loin. Comme sur OVR Dark, je vois un petit peu les débuts de ce que pourrait être un Resident Evil ou un Silent Hill dans les années 90. Voilà, c'est démarre gentiment et puis on monte un petit peu en pression. Je rappelle aussi que, accessoirement parlant, que c'est un spoil. Merde, donc en gros. Sans spoiler, il y a un truc de Do Not Open qu'on ne voit pas, enfin qu'on voit dans OVR Dark, mais qu'on ne voit pas en jouant à OVR Dark. Mais c'est modélisé. Bref, il y a un truc qui est modélisé, qui appartient à Do Not Open, que tu vois dans les bonus d'OVR Dark. Voilà. Donc, est-ce que ça annonce quelque chose, sachant que le studio... normalement devait annoncer, alors j'espère que c'est pas ça, mais que c'est pas la version physique, mais le studio disait nous travaillons sur quelque chose. Donc T'as plus qu'à espérer. Si, bon, achetez-le, en gros, pour que ça se vende bien et qu'on ait une suite en VR. Surtout qu'on n'est pas... voilà, pour ceux qui disent, ouais, c'est un jeu d'horreur, machin et tout. Alors oui, il y a un ou deux jumpscares, mais là, par rapport à d'autres... ça va. Ça va. C'est surtout un jeu. C'est surtout un jeu à ambiance. Vous allez, voilà, respirer de la mérule, de la mérule bien sale. Mais après, t'en as déjà parlé. Je crois la semaine dernière de Over Dark, t'avais déjà fait le test. Oui, oui, oui. Je refais pas le test. Et mais c'est pour dire que voilà, c'est si. Non, parce que il y a des joueurs VR, mais ils disent ah, c'est un jeu d'horreur, machin et tout. C'est vendu le comme degré. Ça. C'est voilà, on est. C'est vendu comme ça. Mais sur l'échelle de l'horreur, voilà, on n'est pas. Au niveau d'un Resident Evil Village, ni et encore moins de Madison. Très loin de Madison. Okay. Ensuite. Donc voilà. Et ensuite, c'est fini. Ensuite, c'est fini. Tu voulais pas parler de Mecha Party ? Ouais. Bah, tu viens justement de le dire, je ne voulais pas. Tu ne voulais pas ? Eh ben, il y a aussi Mecha Party qui vient de sortir sur Steam, qui est prévu aussi du coup sur PSVR 2. Il est pas sorti encore celui-là. Ah si, si, si, il est sorti. Ah, ben il est sorti. Il est à 19. Il est à 18,99€. Il est à 18,99€. Il est sorti le 9 mai 2024 sur Steam. Il est déjà à moins 40%. Voilà, donc... donc, c'est... Ah non, mais si vous avez 100€, si vous savez pas quoi faire d'une centaine d'euros, là, s'il y a un billet qui traîne dans votre poche, eh ben, vous avez des super jeux comme Clean Sheet, Shave and Stuff, faites Mecha Party, et puis... Sugar Mess aussi, qui est... Bah, qui a l'air d'être simple et coloré aussi. Simple et coloré, voilà. On verra bien. Et puis, bah, il y a aussi Stride Fates, mais ça, je vais m'occuper de ça. On va faire le test. Pas longtemps. On va faire le test. Restez. Ok, très bien. Et bah, écoute, donc, voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'est bon, ouais, parce qu'il y a Laurent qui descend de plus en plus. On le voit de moins en moins sur la caméra. Je fais moi. J'en ai vu un Wanderer. C'est Wanderer, t'as fait un sursaut. Toi. Voilà, Wanderer, tu m'as réveillé. Tout le reste, laisse tomber. Eh bien, écoutez, messieurs, je crois que tu peux boire un verre d'eau et puis rattaquer après mon petit Alroco, parce que on va parler des tests. On va faire les tests. Gantz, si tu fais bien de prendre un petit peu de carburant. Par quoi on commence ? Est-ce qu'on commencerait pas justement par Madison ? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle, c'est pas la première émission où on en parle quasiment à toutes les émissions depuis à peu près 6 mois, 1 an, grosso merdo. Donc voilà, on a enfin pu mettre la main dessus sur la version définitive. Il y a El Rocco qui vous a fait la preview sur PSVR 2, moi je vous ai fait la preview sur PC. Il y a Gantz aussi qui a pu se chier dessus un petit peu dessus. Donc voilà, en gros, on est 3 sur 4 à avoir essayé ce jeu-là. Alors, est-ce que c'est bien ? Tu l'as pas essayé, Lolo ? 3. Tu l'as pas testé, Lolo ? Lequel ? Madison. Madison. Pas encore, non. Non. Pas encore ? Non. Non. Bon, non, merci, Lolo. Ces temps-ci, là, non, j'avais un peu de boulot et j'ai pas vu tout ce qui sortait. Et puis, je me suis dit, celui-là, je le ferai. J'aurai le temps de le faire, de toute façon, vu qu'il n'y a rien. Donc. On va le dynamiser, Lolo. Mais pas oui. Dans un bon mood. On va te donner envie, l'envie d'avoir envie. Donc Madison VR, finalement c'est bien. Finalement c'est pas mal. Finalement c'est un peu joli quand même. L'ambiance est un peu bien quand même. C'est pas mal. Vas-y, commence, Gantz. Je te laisse seul. Je crois que oui. Hein. Ah le. Bah, j'aurais préféré que tu commences, El Rocco. Ah bah si je commence, je vais terminer. Hein, parce que... ouais. Ah c'est parce que voilà, disons que moi j'ai. J'ai un avis un peu plus quand même mitigé au niveau terreur sur ce jeu-là. Mmh. C'est que moi je suis un peu plus comme Sei. Je suis resté plus stoïque en fait sur les séquences. Je pense que j'ai une théorie donc, là-dessus. Je pense que tu viens du nord, donc forcément t'es un petit peu alcoolique et du coup les bruits de bouteilles qui tombent par terre au sol, ça te fait plus peur. T'as des gosses, donc tu sais que les bruits de pas ou tu sais pas d'où ça vient et puis les portes qui claquent, ça te fait pas peur non plus. Dès que t'as ces deux éléments-là, en fait, t'es complètement blindé pour Madison, quoi. Ouais, je sais pas, c'est que, c'est vrai que j'ai pas encore été jusqu'au bout hein, de ce jeu-là. J'ai joué une heure et demie, je pense. Donc j'ai pas vu le pire. Donc j'espère quand même être agréablement surpris. Parce que, ouais, moi, ce que je recherche, c'est d'avoir peur. Et je compte vraiment sur ce jeu-là. Mais t'es un bonhomme. C'est vrai que j'ai fait le début et. Forcément, il y a du jumpscare, donc on sursaute. Mais j'ai pas, j'ai pas les réactions que qu'a pu avoir ah non, mais qu'a pu avoir El Rocco. C'est terrible parce que même c'est, tout seul chez moi et tout, je gueule purée. Il y a des séquences, c'est pas possible. C'est franchement pas possible. Déjà, ça me stressait en plat et ça, c'est encore pire, enfin encore mieux, mais encore mieux pire bon, que dans en VR. Quoi. C'est terrible, si, terrifiant. Si vous me permettez, je vais remettre un petit peu le décor. C'est un jeu au départ qui était en plat, qui a été porté par le studio en réalité virtuelle, chose suffisamment rare pour être justement saluée. Lors de ma première. Mon premier essai sur PC, sur une version de test, qui avait uniquement voilà, la première grosse demi-heure du jeu, j'étais un petit peu mitigé parce que le jeu avait un petit peu le cul entre deux chaises au niveau de la maniabilité. Il ne savait pas s'il devait aller vers le motion gaming ou alors vers l'interaction au bouton pour certaines actions. Et il y avait aussi un gros problème d'optimisation sur cette première version PC. Et j'étais agréablement surpris en voyant justement le jeu final sortir sur PC, qu'ils avaient fait un énorme boulot là-dessus. Maintenant, le jeu est beaucoup plus fluide et ils ont mis un tuto en fait justement pour expliquer le gameplay un petit peu pas entre les deux. Entre les deux, pas bancal, hein, mais voilà, entre les deux. Ils expliquent en tout cas, ils justifient ça dès le départ. Il t'explique voilà, comment utiliser ton inventaire, etc. avant même que tu commences le jeu, donc ça c'est plutôt cool. Il y a eu quand même du boulot de fait dessus. Et sur le PSVR 2, apparemment, on a vraiment une très très bonne version de ce jeu-là, bien optimisée, très propre, très belle. Très propre, ouais. Super belle, super ouais. belle. Et avec un ouais, sound design bien, ouais. bien efficace aussi. Ah, il est très très bien. Mais moi cette peur-là, elle est très efficace parce que je sais ce qu'il y a en fait dans cette putain de baraque. Donc, et puis j'ai toujours le sentiment qu'ils ont rajouté un truc par rapport à la version plate, tu vois. Histoire de surprendre un petit peu les personnes qui l'ont fait voilà, déjà en plat. Bon, pour le moment, ça a l'air d'être c'est très très très similaire. Donc ça va, mais j'ai toujours voilà, c'est la mamie, elle est terrifiante et le moment que je redoutais, c'était vraiment très compliqué, surtout qu'il est qui n'a pas un grand-parent dans son sous-sol, ça va quoi, c'est pas un papy pas tout nu. Oui, j'ai des voisins, oui. Voilà, bon, oh. Ça arrive. Hein. Bon voilà, on est dans le sud. Bah non, même pas, t'es même pas dans le même sud. Même pas dans le sud. Hein. Mais non, pourquoi ils sont tout nus alors? C'est la campagne, c'est pareil. Bon. C'est pareil. Donc, non, oui, très très propre. Ouais, c'est vrai que graphiquement, c'est là, parmi ouais, l'un des plus beaux jeux sur PlayStation VR 2, où le niveau de détail, il est franchement ahurissant. Ça va jusqu'à la texture. Ce qu'on disait par rapport c'était Red Matter 2, où les vitres étaient griffées, tout ça, c'est exactement pareil. Les reflets sur les objets. Tous les défauts. Ouais. Quand tu prends les objets avec par exemple du verre, tu prends une montre, tu la mets vers ton visage et tu vois vraiment les stries, tu vois tous les petits défauts. Tu vois les traces de doigts, les empreintes, l'humidité qui est dedans. Tu te dis, mais c'est vieux. En fait, t'as vraiment cette odeur de vieille maison avec les assiettes voilà, de mamie qui sont accrochées au mur, le vieux papier peint dégueulasse qui se décolle avec l'humidité et tout. Un syndrome de Diogène un petit peu dans la cuisine avec tous les objets. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bah, c'est vrai qu'à un moment donné, papy, il faut penser à sortir les poubelles. Ça commence à devenir ouais, là, je pense que. Je connais. Tu sais, je peux comprendre, hein, t'es collectionneur, tout ça, mais bon, au bout d'un moment, il faut faire du tri. Tout est en plastique. C'est le niveau de détail, il est terrifiant, parce que même on arrive dans la preview, je le montre, on peut lire, franchement, les articles de journaux posés sur la table, quoi. Tu vois, franchement, très clairement ce qui est écrit. Et c'est d'autant plus agréable, justement, de tomber sur un jeu comme ça. En tant que joueur justement de VR sur PSVR 2, on a l'habitude maintenant d'avoir des jeux low poly avec des textures simples, cartoon, voire pire que ça. C'est quand même agréable. Et là, tu vois justement la plus-value des graphismes photoréalistes en réalité virtuelle. Quand tu as un objet devant toi, quand tu as un décor aussi détaillé qui a autant de textures. Mais quand je dis de texture, c'est pas texture technique, hein, de texture, de couleur, de, de détails, de trucs palpables, c'est justement, et ben tu te dis waouh, ben oui, en fait la VR, oui oui, ça apporte un truc là quand même. Hein. Bah oui, parce que là vraiment tu vas vraiment poser ta, ton nez dessus et tout, et puis bien observer le truc. Ce que tu ne peux pas faire d'ailleurs en plat. Parce que t'es toujours ouais, vraiment limité par cette distance-là. Maintenant, tu manipules les choses. Ah d'ailleurs, petit défaut que je trouve, c'est que d'un point de vue manipulation, on peut pas choper vraiment l'objet comme on aimerait, en fait. Ouais. C'est que voilà, on peut pas faire voilà tourner l'objet manuellement et tout. C'est t'es obligé de casser le poignet, voire même de tourner dans des positions vraiment inconfortables pour voir des détails qui sont voilà marqués par exemple, je sais pas, t'as souvent t'as derrière les miroirs ou les portraits, t'as des notes voilà écrites en lettres de sang ou des trucs comme ça. Alors c'est bien, tout est traduit et tout, parce que voilà, t'appuies sur X, hop, il te dit ouais, il y a écrit ça derrière le truc, ouais, d'accord, ok, mais tu peux aussi le voir, c'est bien aussi de le voir et de l'observer, mais c'est pas facilité par le gameplay, il reste un petit peu plat. Ouais, il reste plat, en fait, tu peux pas, bah, tu peux pas manipuler en fait, l'objet comme tu veux, c'est-à-dire que le personnage prend l'objet, t'as une façon de prendre l'objet et basta. Si tu veux voir par exemple... Une façon ou deux. Et les deux sont inconfortables. Voilà, c'est ça. Ouais, par exemple, la lettre du départ, c'est soit d'un côté, soit de l'autre, mais tu peux. Enfin, si ouais, tu peux les enveloppes, les. Pour tourner, il faut vraiment casser le poignet, quoi. Et dans l'inventaire, on peut pas le faire tourner. Dans l'inventaire, je ne sais plus ça. Si dans l'inventaire, tu peux. Si après, tu peux le faire tourner. Dans l'inventaire, tu peux. Un peu comme dans les Resident Evil ou Mountain Over Dark, je crois que tu peux faire ça aussi. Oui, tu peux le faire. Mais par exemple, t'as une boîte en métal. Avec des photos dedans. Pour ouvrir la boîte en métal, en fait, tu dois prendre la boîte en métal et appuyer sur la gâchette pour que les photos ressortent. C'est des trucs bizarres un petit peu comme ça. Après, tu t'y fais, tu tâtonnes. Ça peut te sortir un petit peu de l'expérience et de l'ambiance voilà, réaliste du truc. Mais bon, ça peut être... Bon, c'est du détail, hein. Et là, c'est du détail. Ouais, c'est du détail. C'est vraiment... Oui. on se dit, voilà, on chafouine un peu sur deux, trois trucs. On commence par le mauvais, on va dire. Bah, oui. Parce que au niveau du bon, bah, de toute manière, voilà, son succès... Son succès parle voilà, tout seul. Hein. C'est quand même, ça arrive parmi les meilleures ventes et ça arrive derrière Resident Evil. Mérité. Bah, donc voilà, hein, c'est ouais. le jeu a plus de 200 exactement, 275 avis et il atteint la note de 4,72, quoi, 4,72 sur 5. Donc c'est pas anodin. Le jeu il est excellent et puis il fait voilà, il fait peur, il fait franchement peur et c'est une peur psychologique où en fait vous subissez. On n'a pas d'armes. C'est peut-être son plus gros défaut au final pour le public, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont pas oser le faire. Quoi. Qu'est-ce qui t'a manqué justement dans l'ambiance justement pour être vraiment saisi par ce parcours. Après, comme je dis, je l'ai pas fini, donc je pense qu'aussi tout ce que j'ai fait, j'ai pu le voir déjà au travers de trailers ou de petites previews, donc je m'attendais aux choses. Donc forcément, t'as des jumpscares, donc j'ai la surprise, mais voilà, j'ai pas ce côté à me mettre à crier comme d'autres. On ne se moque pas. Donc oui, c'est peut-être ça qui m'a manqué ou peut-être aussi l'habitude. C'est vrai que bon, moi c'est vraiment mon style de jeu de prédilection. Je recherche vraiment le frisson et c'est pour ça voilà, tu parlais tout à l'heure d'Over Dark. Moi justement cette ambiance oppressante que t'as dans Over Dark, j'ai aimé parce que tu et t'as trouvé Over Dark t'es toujours sur le kiwi plus impressionnant que Madison au niveau de l'ambiance, au niveau de la trouille. Ouais, sans spoiler, ouais, j'ai eu des séquences dans Verdark qui m'ont plus stressé, on va dire. Pas forcément fait peur, mais stressé. On est vraiment pas pareil. Hein. C'est marrant parce que justement, l'avis de Del Rocco à ce sujet-là, c'est un peu le contraire. Donc c'est intéressant d'avoir deux. Ah ouais, mais moi dans les tu sais genre les maisons en travaux qui pourrissent, la mérule, tout ça et tout, voilà, quand t'as des trucs à faire, refaire une isolation, tout ça, moi je suis dans mon élément, tu vois. Bon, t'as un cadavre par-ci par-là, bon ça va, ça se gère, mais je sais pas, il y a une ambiance, c'est l'ambiance plutôt que le côté terreur psychologique qui est beaucoup plus puissant dans Madison que dans OVR Dark, même si OVR Dark il y a quand même ce petit côté là. Il y a d'un point de vue terreur le moment où bah justement on tombe sur Michael qui est en fait la plus grosse menace hein, de OVR Dark. Tu t'y attends en fait. C'est pas du genre il apparaît comme ça et tu dois bouger. C'est pas fantomatique, il est réel. Ouais, voilà. Il existe. Et surtout qu'il est. tu t'y attends dans le sens où tu as un fond du noir qui te, voilà, qui te prépare à ça. C'est qu'il va apparaître, il y a un fond du noir et tu dois pas bouger. Et tu peux, de toute manière, ah si, tu peux bouger, mais voilà, tu peux pas faire n'importe quoi en fait. T'es pas libre. Alors que dans Madison, bah voilà, hein, t'entends papy qui voilà, qui est en train de te chuchoter dans l'oreille. Mais même moi, dans le franchement, le passage qui me fait le plus peur, il y a des moments, t'entends Lucas, mais je suis tout seul à la maison, mais je fais ta gueule, je me retournerai pas. Je m'appelle pas Lucas. Il se dit quoi ce bordel? Je m'en fous, j'avance, je vais aller à gauche, je t'emmerde. Et là, c'est tac tac, hop, il y a plus de lumière, je rallume la lumière et boum, jumpscare. Je fais ah putain, c'est terrifiant. Et là, ce qui m'effraie le plus, alors je l'ai pas fini, mais je suis arrivé à l'endroit qui m'a fait arrêter Madison VR en plat, qui me stressait énormément. Et ça va être chaud. C'est bien. Donc, ouais. Donc, c'est, donc avec c'est bien. Tout ce qu'on a dit justement sur ce jeu-là, sur les dernières émissions, on le conseille, oui ou non? Bah, moi, ah, oui. Oui. Bah, oui, parce que c'est. Valeur sûre, hit vers Far Player. C'est valeur sûre. Ah, bah, c'est. Pour moi, c'est. On frôle. Honnêtement, on frôlerait un GOTY. C'est, si t'as encore bon, les awards, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, si t'as un Capcom, ce sera Capcom de nommer, mais on va dire que s'il devait y avoir un vrai awards, ah, les studios espagnols là, ils sont en train d'envoyer du pâté. Même OVR Dark qui est un chouïa en dessous, mais Madison, si on juge l'horreur, putain, il met la pile. Moi, pour moi, il met la pile à Village et à Hero 4, hein, qui pour moi est un jeu d'action. Mais dans l'ambiance, en tout cas, et dans le côté. Ouais, c'est. En tout cas. Ouais. Mais il est court. Ça, par contre, il est court. J'ai fait 2-3 heures et tout. Je suis déjà à 30%, un truc comme ça. C'est le jeu, si tu le lis, enfin voilà, si tu le connais bien, ouais, tu le finis peut-être en 5 heures, 6 heures, un truc comme ça. Après, si tu regardes, si tu observes tout et que t'aimes bien subir, voilà, si t'aimes bien être dans ton trou à en prendre plein la gueule, ouais, c'est sûr qu'il va peut-être faire 10 heures, 15 heures, un truc comme ça. Puis après, tu le recommences, t'as deux modes de difficulté. En plus, t'as un mode un peu assisté où tout ce que tu peux manipuler, bah, c'est affiché. Et puis un mode où justement, bah, t'as encore plus lâché dans la nature, c'est des merdes. Ouais. Vaut mieux le faire justement dans ce deuxième mode, hein, justement pour l'immersion et pour en profiter vraiment à 100%. C'est plus en mode démerdant. Mais tu tâtonnes, hein, par contre, des fois. Moi, je fais plutôt le mode assisté pour le moment. Je fais le mode assisté parce que, non, c'est, franchement, c'est chaud. Il y a des ambiances. Non, ça m'affecte quand même pas mal. Moi, ce dont je suis content, en fait, c'est que tous les trucs que je reprochais clairement dans la preview qui m'embêtaient et qui étaient peu ergonomiques, même s'ils n'ont pas tous été corrigés dans la version finale. En tout cas, avec les explications et le petit tuto maintenant qu'il y a au démarrage du jeu, les développeurs en sont conscients. Ils l'expliquent et ils essaient justement d'expliquer aux joueurs, attention, ce jeu-là se prend comme ça. Il y a un système d'inventaire, c'est un système qui vient du plat. C'est pas uniquement t'as un sac à dos dans ton dos. Non, tu t'appuies sur un bouton pour afficher ton inventaire. Et l'inventaire est à 360 degrés. Voilà, et t'as des objets où il faut appuyer sur un bouton d'action pour pouvoir interagir avec, comme mettre la tête dans le trou au début, ou alors récupérer quelques... Enfin, interagir avec certains objets. Ils l'expliquent, ils en sont conscients. Et je pense que ça devait... Il devait justement... Enfin, le fait que le jeu ait été repoussé plusieurs fois, ça vient certainement de ça aussi. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc bizarre et qui devait justement mieux amener dans le jeu. Ils en sont conscients en tout cas. Mais il ne faut surtout pas que ce genre de petit défaut d'ergonomie du jeu vous fasse passer à côté d'un jeu qui est magnifique, qui a une super bonne bande sonore, une super ambiance, qui sait faire de la mise en scène horrifique quand même. Ouais, c'est ça, le scénario aussi, il te donne envie. Là, clairement, c'est parce que j'ai pas eu le temps, mais j'avais vraiment envie d'y retourner pour c'est bien amené. Découvrir l'intrigue. C'est bien amené. Ouais, c'est... C'est bien amené. C'est trop bien amené. Tu as tout de suite les bases qui sont posées et tu te dis oula. Et je pense que deuxième lecture du jeu doit être encore plus kiffante parce que vu que tu sais un petit peu tout ce qui s'est réellement passé, voilà, tu as un petit peu l'histoire de ce que tu as fait un petit peu partout dans la maison. Donc c'est un peu comme Propagation où tu retraces un petit peu ce qui s'est passé dans telle ou telle pièce. et tout. Donc les lieux ont une histoire et je pense que la deuxième lecture du jeu doit être tout aussi sympa. En tout cas. Et oui, pour les interactions, moi j'ai remarqué le truc, et c'est bien qu'ils aient fait ça, c'est que maintenant chaque interaction t'indique vraiment si tu peux le manipuler, si tu dois mettre, jouer avec ta tête. Donc c'est soit c'est une loupe, soit c'est une main, donc tu sais vraiment qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que tu dois faire, comment manipuler. Voilà, c'était moins sur l'hésitation. Parce que sur la démo que j'avais fait, qui avait été envoyée par les développeurs, c'était une tannée. Hein. Le tâtonnement, le fait que justement tu es obligé de te battre avec les contrôles pour pouvoir avancer, ça t'enlève complètement le plaisir du jeu. Et c'est plus le cas maintenant, en fait, justement. C'était un peu mieux. C'est un peu mieux amené, quoi. Alors maintenant, là, c'est toujours des petits défauts. Ouais, pardon. Comme le clou, le clou que tu mets à la main. Ah oui. Tu as toujours ce petit défaut. Le gamin, 16 ans, il prend le clou. Ça fait partie du. Dans le mur. ça fait partie du gameplay qui est. Gaming au final, quoi. C'est d'un côté, c'est pas plus mal, hein, mais. Ouais, non, moi personnellement, ça m'a pas choqué. Hein, Les Resident Evil, au départ, je disais que le 4, il manquait de motion gaming, mais en fait, non. C'est la dose parfaite. C'est bien de pouvoir ouvrir une porte en poussant comme mais ça. Mais il faut que ça marche. Ça marche pas dans tous les jeux. Oui, il faut que ça marche. Ouais, c'est vrai. Des fois, c'est plus action, c'est vrai. Surtout dans RE4, le nombre d'objets que tu as cassés pour récupérer des trucs, si tu devais faire ça en motion gaming, t'as le choix. T'as des bras comme ça à la fin. Ouais. Ok. Il y a d'autres jeux. Il y a d'autres jeux qui sont très demandants. Du coup, très exigeants. Du coup, Madison VR, c'est très très bien. Je pense que tous ceux qui l'ont essayé dans l'équipe de VR 4 Player. Sont plutôt ravis justement du résultat. L'ambiance est là. De l'optimisation du jeu, et que ce soit sur PSVR2 ou sur PC, c'est clairement un jeu, le genre de jeu en tout cas, visuellement déjà, qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Ça, c'est clair et net. Ouais. Donc il rejoint les Synapse, les RE, No Man's Sky, toute la clique des jeux qu'on vous recommande chaudement. On a deux bons jeux pour le top 30 2024, c'est bien. Toi, il y a plus. Arrête. On a RE4 parce qu'il était pas dans le, on l'avait pas mis dans le top 30. 2024. Parce qu'il était pas sorti. Exactement. Ouais, 2024. Ah pardon. Ah oui. RE4 on l'avait pas mis parce que on a fait le top 30 avant qu'il sorte. On a peut-être Wanderer et Madison, pour l'instant ça en fait 3. Attends, Madison, Wanderer, t'as pas compté OVR Dark ? OVR Dark, ouais. Et... J'en fais 4. On est bientôt en juin. 4 hein. Ouais. Ouais, mais bon. Tant que c'est pas fini. Mais tant que ça respire. Oui. Genotype était pas mal non plus. Genotype était pas mal. Arrête. Ouais, non mais... En fait, il faut pas dire ça à Lolo. C'est, on va dire, un jeu qui... Et conforme au hardware sur lequel il est développé. Voilà. Donc, mais c'est vrai que Genotype est sympa. Mais c'est pas un jeu natif. Réécoutez le podcast qu'on a enregistré il y a 3 semaines pour avoir le test complet de Genotype, justement. Ou voir carrément directement la vidéo du test. Est-ce qu'on va passer à la suite ? C'est-à-dire un jeu qu'on attendait aussi. Moi, je l'attendais quand même. Pareil. Un jeu de parcours. Qui vient de l'autonome, Laurent, tu seras content de l'apprendre, qui est sorti avant sur Quest. Formidable. Qui fait un AVC. Formidable. Laurent, t'es en train de passer un putain de bon moment, je le sens, quoi, ça. Ça se voit dans tes yeux. Non, même pas. Bon. Oh. Du coup, même le son a abdiqué. Ouais, c'est... Donc vas-y, tu disais Laurent, non. Ah non, il veut pas. Il dit ça marche. Ah voilà. Parfait. Et c'est vraiment l'émission de... Pff, on sort les rames hein, ce soir. Hein, putain. Problème technique, l'abeille. Non, l'abeille ça va mieux, j'ai juste le pouce qui est un petit peu gonflé là, mais... Si je peux plus le plier. Pour ceux que ça. Ah si. Ah, il y a du jus. C'est du pu. On reste dans l'horreur. Non non. Alors voilà. Donc. T'arriveras quand même à jouer. J'ai. Oui, t'inquiète. Quand on veut, on peut. Oui, donc on voulait parler, faire le test de Stride Fate. Donc voilà, qui est sorti déjà sur Autonome et qui est maintenant sorti sur PSVR 2 et PC. On remercie les développeurs de nous avoir fourni la clé, quand même, le Roku. On les remercie. Non, c'est, franchement, en vrai, c'est sympa. Merci, oui, merci, mais, ouais, mais non, merci. Merci, parce mais. Que, merci, mais voilà. Mais parce que, quand même, c'est le dernier plus gros bullshit qu'on ait vu, hein. On va dire du trailer jusqu'au jeu. Il y a des choses à dire. Réel. Blablabla. Il y a pas mal de choses à dire. Alors, Stride, le premier était sorti sur PSVR et sur PC. Je ne sais même pas s'il était sorti sur Autonome et puis. Je m'en cogne. Salut Laurent. Au revoir. Et, non, il va revenir, t'inquiète. Et donc, c'était un jeu de parcours, voilà, Mirror's Edge, avec des, en général des niveaux en ligne droite, avec beaucoup de mouvements à faire. C'était assez physique, c'était assez prenant, quand on commençait un petit peu à prendre le coup de main. Et c'était plutôt cool. Tu avais plusieurs modes de jeu différents, et ça fonctionnait plutôt bien. Et là, ils sont en train, enfin, avec donc la suite, Fate. Ils ont développé un petit peu la formule, ils ont rajouté surtout un scénario et un mode scénarisé sur, je crois, 13 missions. Voilà, attention, un scénario, faut le dire vite. On va y revenir, alors, mais en tout cas, voilà, la proposition, c'est ça, c'est de scénariser un petit peu et de mettre en scène justement le gameplay parcours du jeu, dans des niveaux qui sont, j'allais dire, plus linéaires, enfin, ou moins linéaires, mais en fait, ça dépend, c'est un peu bizarroïde en fait. Je pense que déjà il y a un gros problème dans ce jeu-là. Au-delà. Ah bah en tout cas moi je te les ai rendus grâce aux bugs et aux glitches moins linéaires. Bah oui mais c'est sûr. J'ai quand même prouvé que je pouvais passer un petit peu où tu voulais, où je voulais. Hein. Où tu voulais. Faut pas m'emmerder. Moi. Il y a plein de trucs. Mais on dirait quand même que t'as pris du plaisir. Hein. Mais oui, mais oui au début. J'avoue oui, j'en ai pris. Mais parce que mais tu ah, voilà je vais en parler mais le jeu c'est la version qu'on a testée en tout cas c'est de la fumisterie mais de bout en bout quoi. Techniquement et... c'est le copier-coller d'une version autonome la plus feignante que j'ai pu voir vraiment la plus feignante et oui qui ne ressemble même pas à la version autonome c'est et même pas la net. Version autonome a l'air mieux ouais. Et plus aboutie que la version PC la version PSVR 2 c'est quand même incroyable sur PC ouais. Tu peux pas changer la résolution le jeu est complètement en anglais tu peux pas changer la résolution c'est à dire que t'as un jeu flou pareil, quel que soit le casque PSVR 2, pareil. Et quelle que soit ta configuration t'as un jeu flou t'as un jeu qui clip à mort c'est à dire que t'as des détails en fait sur des immeubles ou des ombrages sur des immeubles ou des textures des immeubles donc des trucs quand même assez gros hein, devant toi hein, qui se détaillent que quand t'es à 15 mètres d'eux. Et dans ouais, un parfois jeu... moins. Et dans... voilà, parfois et beaucoup et parfois moins. Moins. Quand t'es dans un jeu urbain, c'est choquant quand même. Hein. C'est très bizarre. Ah bah, c'est... Et tout ça arrive à partir du niveau 2. Donc en fait, ouais. Comme bah, voilà, hein, le syndrome de on mise tout sur le premier niveau. C'est surtout c'est sur le niveau 2 est... que ça se voit, ouais, c'est vrai. C'est moins dégueulasse. C'est... Même, je dis pas que c'est beau, mais c'est moins dégueulasse. Voilà, malgré que ça alias et que voilà, la résolution et les textures soient bof. Après, j'y suis retourné et j'ai vu le oui, mais genre comme, notamment les reflets. Les reflets, ils ont fait n'importe quoi. Comme le reflet du distributeur, en fait, le reflet du distributeur n'affiche pas ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, tu es à l'intérieur d'une pièce, ça devrait refléter la pièce. Non, ça reflète ouais. L'extérieur. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Oui, oui. C'est du détail. C'est du détail, mais qui, ça reste quand même. Voilà. Qui choque un peu. Il y a un truc qui me. C'est des petits trucs. Pour revenir sur le clipping, en fait, il y a un truc qui vraiment qui m'emmerde et qui gêne justement le gameplay du jeu. C'est que entre deux immeubles, tu as une tyrolienne. Tu prends la tyrolienne, t'es content, t'as des bonnes sensations. T'arrives, tu avances vers le toit vers lequel tu dans la direction dans laquelle tu vas. Et t'es les ennemis qui pop. Oui, t'en as certains ah ouais, qui les pop. Ennemis, t'as les ennemis qui pop juste quand t'es à 10 mètres d'eux. Alors que quand tu prenais la tyrolienne pour aller vers l'autre toit, ils n'existaient pas. Et ils pop quand t'es aux trois quarts de la tyrolienne. C'est quand même abusé. Attends, c'est un jeu quand même où tu dois justement ouais, prendre les tyroliennes ouais. Et justement le gameplay est là pour faire film d'action. T'es censé prendre la tyrolienne, sortir ton flag si tu vois les ennemis et les shooter. ou leur sauter dessus. Qu'est-ce que tu veux anticiper ce genre de choses-là si tu les vois même pas quand ils sont à 10 mètres de toi? Ouais. Et surtout, ils pop dans pas loin de toi. Et c'est surtout au niveau du restaurant japonais, là, qui crache. Hein, à partir. Sur la version PSVR 2. Après le niveau. Sur la version PSVR 2, j'ai continué un petit peu pour me dire bon, allez, on va voir un petit peu si ça s'améliore, quoi. Donc, t'as un niveau 3 dans une arène et t'as un niveau 4 qui est débloqué d'office parce que le niveau 3 dans l'arène crache. Donc, ils sont au courant, ils ont débloqué directement le niveau 4 et le niveau 4 il crache également. Et ce niveau 4, pour rejoindre tout ce qui pop là, les ennemis et tout, et ben. Pour donner toujours cette pression, voilà, que tu es surchargé, voilà, envahi d'ennemis et tout, et ben les ennemis pop quand tu tournes la tête, en fait. C'est-à-dire que tu te retournes, tu vois, il n'y a personne, mais il n'y a personne vraiment loin. Tu te retournes, tu shootes les deux ennemis que tu as en face de toi, et ben tu te prends des balles d'un mec, mais qui vient tout juste d'apparaître, mais je te dis, une fraction de seconde. Tu te rends compte dès le tuto de ça. Il n'y est pas. Mm. Il n'y est pas. Et puis le niveau, voilà, dans le restaurant japonais où c'est un petit peu. Et je crois qu'ils ont voulu faire un délire à la scène finale de Kill Bill, tu vois. Ouais, John Wick, t'as les 88 cinglés. Ouais, John Wick, ou Stranglehold, tu vois. Très. Pour rester dans le thème nippon coréen, tu vois. Et ben. Mais ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout. Et surtout que les ennemis, t'as pas de sensation vraiment de physique, que tu les impactes bien, tu vois, que ça soit. Enfin, surtout les boss, en fait. Enfin, les boss, semi-boss. Les boss, ça marche pas. Les boss, ça marche pas. Tu leur tires dessus, il se passe rien. Les boss, ça marche pas. Je sais même pas si tu leur fais des dégâts. Les boss, ça marche pas. Parce que franchement, au niveau de la physique, au niveau de l'impact et enfin du plaisir du frag, je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Toi, t'avais dit que sur PSVR 2, par contre, t'avais un souci niveau du réglage entre ton sense et l'inclinaison de l'arme. Ouais, l'inclinaison. C'est ça. Tu l'as aussi un petit peu sur PC, t'es obligé en fait de casser un petit peu ton poignet pour avoir ton flingue droit. Et c'est vrai que. Pour être droit. Quand tu vois des jeux comme After the Fall qui sont réglés au poil de cul justement sur ce genre de choses, ça pêche un peu de ce côté-là. Et il n'y a pas de paramétrage là-dessus ? Non, que dalle. Voilà. Le paramétrage sur ce jeu-là, c'est y en a un. Le minimum syndical. Il y en avait un dans d'autres. Il y a ça dans d'autres jeux, justement, pour convenir. Voilà, ouais, exactement. Mais dans celui-là, non. Les options, c'est. Ah, t'as quasiment rien. T'as quasiment rien. Bah, tout est dans la preview. Hein. Mais pour revenir justement sur l'impact, je trouve que par contre, sur les ennemis, en fait, le frag reste quand même plutôt plaisant. Et tu peux passer après. C'est entre les deux. Sur du corps à corps. C'est entre les deux. Quand même, les personnages. Ouais, les personnages ont une physique. Par exemple, tu peux les choper, tu vois, et tu peux les bouler au corps à corps si tu te retrouves un petit peu en manque de munitions ou en panique. Quand ça marche bien. Quand ça marche bien. Ouais. Moi je mets juste le gros carton rouge fracassage de clochard. Moi je peux pas. Dans les jeux vidéo, je trouve ça dégueulasse en fait de faire ce genre de choses là et ça m'énerve. Fracassage de clochard. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait t'as des modes de jeu justement dans toute la partie cité. Je sais pas si t'as essayé. En fait t'as des modes de jeu qui sont aussi proposés où tu dois faire des missions. T'as des antennes en fait à débloquer, enfin à pirater. Et puis tu dois te balader, t'as des bases à nettoyer, t'as des coffres à ouvrir, t'as des puzzles à faire. Et puis de temps en temps, en fait, justement, ils te mettent des mecs bourrés au milieu que tu peux fracasser à main nue, quoi. D'accord. T'as pas vu ça, toi, sur la version PSVR 2? Ah bah, moi. Qui les virait, ça serait pas mal, en fait. Mais je trouve ça naze, en fait. Peut-être qu'ils l'ont viré, mais t'accèdes à ça, genre, dès le départ. Dans l'hélico, dès le départ. T'as trois modes de jeu. T'as un mode arène où tu arrives dans une pièce. Je crois que c'est dans des égouts, d'une pièce qui est assez grande. Et tu peux et donc t'arrives et toutes tes armes sont désactivées et t'as des ennemis qui te tombent dessus et tu dois les fracasser à main nue. C'est des ennemis classiques du jeu. Ça, y a pas de problème. Ah bah ça, c'est l'arène, c'est mon niveau 3. Ça, c'est mon niveau 3 qui crache. Ah d'accord. Parce que là, sur la version PC, en fait, c'est débloqué directement. Et après, en fait, t'as un tout petit truc comme ça. Où t'as un deuxième niveau que j'ai pas essayé et un niveau qui est un peu plus ouvert dans les immeubles et là t'as plein de petites missions à faire. C'est un mode je l'ai pas fait celui-là. Un mode free roam en fait. Et voilà, et juste et tu fracasses des clochards. Voilà, et je trouve ça pas amusant, quoi. Je trouve ça un peu creepy, toi, donc voilà. Pas terrible. Donc voilà. Ouais, pas terrible. Donc il y a ça. Alors moi je voudrais revenir un petit peu aux sensations quand même de parcours que tu as dans le jeu, qui sont plutôt agréables. Comme pareil, c'est quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne. C'est pas tout le temps. J'ai retrouvé un petit peu des sensations que j'avais eues dans Assassin's Creed Nexus, mais ça fonctionnait quand même moins bien. Le flow est beaucoup moins bon que dans Nexus. Là où Nexus, justement, le level design était fait pour te faire courir, pour te faire sauter de toi en toi, d'élément en élément, et que ça fonctionnait dans la continuité. Je trouve que le level design de Strife Fate est mal foutu pour ça, en fait. C'est un peu comme le syndrome Sonic, si tu veux. Sonic, c'est un personnage qui va très très vite, sauf que tout le level design est fait pour te freiner et pour te couper dans ta vitesse. Et ben dans Strife Fate, c'est exactement la même chose. Tout est fait justement pour soit te faire explorer. T'as pas de moment, en fait, où vraiment tu vas prendre ton pied à parcourir longtemps et essayer de jouer sur tes réflexes. Mais surtout que tu peux pas, hein, parce que dès que tu te permets un petit peu de liberté, où tu sais même pas si c'est... Bah, t'arrives à le faire, comme j'arrive à grimper sur le hall d'immeuble. Mais le truc, c'est le que... Le jeu l'a pas prévu. Le jeu n'a pas prévu que tu passes par là. Donc, t'étais obligé de passer par le checkpoint A, B, C, D. Moi, j'ai fait A et je suis arrivé jusqu'à F direct, tu vois. Donc, et en fait, t'as voilà, le script qui se lance pas et la fenêtre qui ne s'ouvre pas toute seule. Ou si. Donc, t'es obligé de refaire tout le tour et voilà. Donc, le jeu n'a pas du tout prévu ça. Il y a des petits soucis aussi quand tu te balades d'immeuble en immeuble où tu rates ton saut, t'arrives pas à récupérer une corniche et tu tombes en fait sur un balcon par exemple qui est au contrebas. Et tu dis, bon, bah, je vais essayer de remonter, seulement t'as aucun élément qui te permet de remonter justement à l'étage au-dessus. En fait, t'es juste mort, mais tu le sais pas encore. Tout ce que t'as à faire, c'est de sauter dans le vide. Tu marches un peu sur le mur et... C'est ça. Et tu meurs. Et tu respawns. Il y a plein de trucs, tu vois, des petits réglages comme ça dans le level design qui sont pas encore tout à fait réglés. Cependant, moi, je le trouve plutôt agréable justement à parcourir. Il est totalement en anglais et ce que je lui reproche, c'est que les personnages parlent tout le temps en anglais, sous-titré en anglais. Si vous connaissez pas la langue de Shakespeare, vous allez rien panner au scénario. Ils ont l'air en plus de s'être fait chier pour le scénario. Quand tu regardes un petit peu le database, il y a quand même mine de rien, oui, une histoire où par rapport au premier, voilà, ça a l'air d'être au premier, il y avait rien du tout. Il y avait rien. Les personnages sont caractérisés, ils ont une histoire, ils ont un background. Ils sont écrits quand même si la meuf qui t'accompagne au départ, l'hologramme là, est con comme une bûche. Hein, je suis désolé, hein. Mais sur la mission 2, elle dit le sniper il t'a repéré. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, je sais pas quoi. C'est quoi ces persos quoi? C'est quoi cette aide? Ah, c'est un hologramme la meuf. Ouais, en fait pour. Bah, en fait, c'est un implant, c'est ça. C'est un implant. Voilà, elle est en AR, comme dans Cyberpunk. Pourquoi elle a un masque alors? Et elle n'a pas de masque sur la version PC. Elle a un masque sur la version PSVR 2, mais pas sur PC. Et en fait, au tout début du jeu sur PC, t'entends un personnage qui te parle dans l'oreillette. Tu vois la meuf qui est en face de toi, et c'est le gars qui te parle, et c'est la meuf qui bouge les lèvres. Oui. Ça, j'ai vu ce truc-là, j'ai fait. Eh elle bouge les lèvres. Et puis après elle te parle avec sa voix normale. Et je pense que c'est pour ça justement dans la version PSVR 2, ils ont rajouté le masque pour éviter ce genre de bug de synchro labial. C'est plein de petits trucs comme ça. Il y a des petites différences entre la version PC et la version PSVR 2. Ah mais en plus tu dois certainement avoir raison, putain. Là, je suis sûr que c'est un truc dans le genre. Ah la vache. Ouais non mais c'est franchement mis bout à bout c'est improvisé, c'est vraiment malhonnête parce que le jeu n'est pas à 15 balles. Hein. Ouais. Il n'est pas à 15 balles, donc c'est 30 balles et voilà quoi. Donc le jeu crash sur PSVR 2, en tout cas sans le patch Day One, hein, ça va prendre un pas essayé depuis. Voilà. Je l'ai pas relancé depuis parce que le patch il est intervenu au moment de la sortie, donc je crois qu'il est sorti hier. Ouais. Donc faut voir. Après, même avec le patch. D'après eux, ils ont amélioré des textures, de la résolution. Voilà, le doute m'habite, mais ce sera pas pire. Ce sera pas pire, hein, pas aussi convaincant que d'autres ils jeux. Ils ont amélioré l'éclairage seulement, je pense. Ouais. Parce que les captures que tu avais montrées. Éclairage 20% sur la barrière, Bof. Non, c'est vraiment ça sent quand même la sortie, enfin le jeu malhonnête. Hein. C'est du copier-coller autonome et moins bon. Ah oui, mais de toute façon, ça, même l'inclinaison du VR Sense et tout ça, c'est. Ouais, pour moi, c'est le carton rouge parce que ça me rappelle Sam et Max. Et c'était vraiment la même démarche. C'est on prend le jeu autonome, allez hop, on va essayer de gratter un petit peu. Et on ne configure pour moi, rien. C'est... Ah ouais, non, mais c'est ça. Et on ne donne surtout pas la possibilité de configurer soi-même. Ouais, c'est ça. Surtout pas, tu vois. C'est vraiment donner aucune possibilité. On fait pot, copier-coller, allez hop, ils se démerderont. Et puis on dit qu'on fera. Si ça gueule, on écoute la communauté. On est conscient des problèmes. On va patcher. Voilà. Donc ouais, ça aurait pu être le Mirror Edge avec un petit côté Ragdoll Bond Labs qui aurait pu être marrant, mais pas du tout. Sachant que bah, quand on remate, j'ai rematé des let's play de Mirror Edge, putain, sur 360, bah, on en est loin. Bah, on a 10 ans de retard, mais avec 10 ans plus tard, quoi. Voilà. 10 ans de retard, 10 ans plus tard. Voilà, on est dans une faille, on est dans un vortex. En plus, Mirror Edge, t'avais cet effet, tu parlais justement de l'effet Sonic tout à l'heure, et dans Mirror Edge, de mémoire, t'avais cet effet, quand tu courais vite, au bout d'un moment, t'avais le flou qui arrivait, oui, et tu essayais de garder ce mode. Dans le level design justement de Mirror's Edge, t'avais des zones et t'avais des parties de la carte, en plus le premier était très linéaire, qui te permettait justement d'anticiper, de faire un parcours, ton cerveau il commence à aller sur le réflexe plus que sur l'anticipation. Ouais, là en fait il n'y a rien, en tout cas au début du jeu il n'y a rien qui te permet de d'avoir cette sensation là. C'est un peu dommage parce que le jeu est fait pour ça, le gameplay est fait pour ça. T'as des tyroliennes à prendre, les sensations sont bonnes sur les tyroliennes. Ouais. C'est super cool d'aller d'immeuble en immeuble avec ça, ou alors t'as aussi le grappin. Avec les drones, moi je trouve que franchement ça fonctionne super bien. Ça fonctionne vraiment bien, mais ça manque un peu de son, je trouve perso. Ça manque un petit peu de son pour un petit peu rendre tout ça un peu plus puissant. Le vent dans les bastons, le vent dans l'oreille, quoi. Même les, le vent dans l'oreille, même dans les bastons où tu matraques les mecs et tout, ça manque cruellement vraiment d'impact. Enfin, les mecs, on peut pas vraiment appeler ça des mecs, parce que niveau intelligence artificielle c'est zéro. T'es à 5 mètres 2, ils te voient pas. Mais vraiment, ils sont en face, ils te regardent. C'est normal, c'est parce que t'as pas encore popé. C'est ça, parce que je peux pas popé pour eux. Moi je pensais ça. Mais ils te regardent droit dans les yeux. Et mais ils se barrent. Ouais, non, mais c'est comme ça. Et puis ceux qui te voient, ils t'ont vu depuis très longtemps parce qu'ils te voient à travers les murs. Comme le sniper, il te, te suit. Même, cherchez pas l'infiltration, ça ne sert strictement à rien. Son laser sera entre vos deux yeux. T'as un script, tu suis le script et tu te poses pas de questions. Voilà. Mais tu vois, le fait. N'essayez pas de faire le foufou. Je suis dégoûté parce que tu vois, même le fait que le jeu soit flou et que ce soit sur PSVR 2 ou sur PC, t'as des ennemis que tu peux voir de loin de temps en temps. Bizarrement, tu comprends pourquoi. Et que tu arrives à cibler avec ta mire. Et t'as un pointeur laser que tu peux débloquer parce que toutes tes armes, tu peux débloquer des trucs. T'as des consommables en fait à récupérer dans les dans les niveaux, faut vraiment explorer pour les trouver, ça c'est plutôt pas mal. Et donc après customiser tes armes, t'as un pointeur laser. Le pointeur laser, c'est impossible de le voir, c'est impossible de l'utiliser parce que le jeu est tellement flou que passer 2 mètres en fait tu le vois plus le laser. Ça a pas de sens. Bah, autant utiliser ton viseur holographique avec le pointeur là, rouge. Contre, là, t'es, là, ça marche. Là, t'es sûr. Parce que, là, t'es sûr. Parce que le point holographique, justement, il est justement sur ton arme. Il bouge pas. Mais le pointeur laser, c'est le premier jeu qui me propose de débloquer ça. Ça ne sert à rien. Tu peux pas l'utiliser. Pas en l'état, en tout cas. Donc. Non, et puis c'est. Voilà, il faut quand même rappeler que par rapport au trailer, on n'a pas du tout la même chose dans le casque. Et que c'était un bon trailer bien bullshit, parce que là les détails sur le personnage, les bras, les mains, tout ça, les personnages, les ennemis, les décors, ça avait l'air d'être fluide, un petit peu poussé graphiquement. C'est pour ça que j'avais un petit espoir, mais non, c'est du début à la fin, c'est vraiment l'arnaque. Mais il a un truc. Ah mais t'as un fond, le parcours, ok. Non mais c'est je suis d'accord avec toi, il y a une base. Il y a une base. Et je vais le finir. Tout est gâché. Et je vais le finir. Franchement, je vais le finir parce que. S'il crache pas. Il crache pas. Bah lui, il a la version PC. Il crache pas sur PC. Et d'ailleurs, j'ai trouvé au fait. Je disais à Gantz avant l'émission. J'ai trouvé comment avoir accès à la troisième mission. Je pensais que ça s'arrêtait à la deuxième sur la version preview. Mais non, en fait, j'avais pas compris que tu pouvais scroller, en fait, la carte. Ah, la carte. Dans l'hélico. Il y a rien qui te l'indique. Et surtout, le trait. Bah, si, ma preview. Le trait. Ouais, mais j'ai joué avant. Oh, j'ai pas le temps. Et le trait, il restait en fait sur la map. Et après, elle va vers le trait va vers rien en fait. Il faut vraiment scroller avec ton contrôleur sur la map pour que le reste de la ligne en fait aille jusqu'à la prochaine mission. C'est vraiment pas super bien foutu, ça je trouve. Et voilà. Mais voilà, oh, ça... moi, je le trouve quand même plaisant et pas aussi intéressant au niveau du flow que Nexus, mais. Bah, je le terminerai. Ah, dès qu'on, du coup, tu le conseillerais parcours. Non, pas en l'état. Dans l'état où il est, que ce soit sur PC ou sur PSVR 2, clairement, non. Clairement, non. Ah non, parce que si on le conseille, non, clairement. Le jeu il est cassé. Bah oui. Le jeu il est cassé. Parce que. Si on achète, c'est qu'on valide. Hein. Oui. Personne. Si on conseille, c'est qu'on valide, mais. Là, on peut pas. Enfin, moi, j'ai eu des bugs c'est de script. C'est pour ça que je pose la question. J'ai eu des bugs de script sur la première mission où justement j'ai dû arrêter au milieu de la première mission. Mon personnage, quand j'ai rechargé la partie, était à l'endroit où je l'avais laissé. Seulement, le jeu, lui, il prenait les objectifs du début de la mission, comme si j'avais réinitialisé la mission. Donc, je me retrouvais en fait à des centaines et des centaines de mètres du début de la mission. Je pouvais pas retourner en arrière et donc, du coup, ma sauvegarde a été cassée. Obligé de recharger la mission pour pouvoir relancer du début. T'as ça ? Bon, c'était pas grave, hein, c'était la première mission, bon, c'est pas méchant. Les bugs de collision aussi, quand tu fais de l'escalade contre les murs, hein, ta main, elle passe carrément à travers les plaques en métal pour t'accrocher. Les points d'ancrage des mains sont pas clairs non plus. Des fois, t'as l'impression que tu peux t'accrocher, mais le jeu a décidé que non, donc non. Non. Point. Toi, c'est ce qui casse un petit peu le truc. Les crashs sur la version PSVR 2, donc du coup, c'est du non plus. Voilà, non, en l'état, on peut pas le conseiller. Après quelques patchs, après surtout une amélioration et une possibilité d'augmenter la résolution de ton jeu, là oui, je pense que ça sera autre chose. Et puis de tous ces petits bugs comme ça qui pourrissent la vie, quoi, et le plaisir. Bon bah 3 noms sur 4, hein. Enfin même 4 noms sur 4. Bon. Je pense que pour VR Caviar c'est pareil, c'est un nom. Hein. Mais je crois que lui il est encore plus. Non, lui il est dégoûté. Plus vénère. Et d'ailleurs, oui, un truc qu'il nous a montré et dont on n'a pas parlé, le jeu rame. Il y a des moments où le jeu rame. Des chutes de framerate. Il y a des grosses chutes de framerate. Selon lui, déjà c'est bizarre que c'est passé sur PSVR 2. Il a dû le pousser un peu plus loin encore. Je pense que c'était sur le niveau 2, je crois, qui la mission numéro 2, quand t'es dans les immeubles en fait. Deuxième partie de la mission 2. Ah d'accord. Et je me suis dit, ouais, bah, bizarre, mais j'ai pas eu ce problème là. Et ben, fait exprès, juste après, en fait, dans la mission 3, pareil. À un moment, tu comprends pas pourquoi, le jeu il s'écrase complètement. Tu sais pas pourquoi. Et après, je suis mort un petit peu après, j'ai recommencé et je suis revenu à la même position, ça ramait plus. Trop bizarre. C'est con, hein, parce que il y avait voilà, hein, c'est le parcours, les armes, la customisation, le côté du genre fouiller tous les niveaux pour trouver les petits sachets qui permettent justement d'upgrader les armes de différentes manières. Des petites features de gameplay sympas comme le ralenti. Il y a un moment où tu passes un petit peu en bullet time où tu peux glisser comme Mirror Edge et tout. Tu t'accroupis, tu glisses, tac, et tu peux enchaîner les mecs. Franchement, c'est top quoi. Il y avait tout pour faire un bon jeu à la fois Mirror Edge, Matrix, et puis Bones Lab avec la manipulation des corps. Qui est sympa quoi, empêcher le mec de te tirer dessus en prenant son arme, en l'écartant et puis en plantant le couteau. Il y avait pas mal de choses. Mais je pense qu'il peut encore, il peut que s'améliorer, je pense, au fur et à mesure des patchs. Ça peut encore devenir un jeu plutôt sympa quand même. S'il est patché, s'il règle tout ça. Ah bah s'ils font comme Vertigo sur un After the Fall où t'as le foutage de gueule pendant les 3-4 premiers mois et qu'après t'as le patch. Rédempteur qui te booste. Ah ben non mais ouais. Faut arrêter non, ça parce que là ça devient systématique. Ah, le mal est fait. Ouais voilà le mal est fait. C'est quoi cette façon de faire maintenant qui est quasiment systématique de sortir un jeu tout pété et puis de balancer. Et ça, on le dit depuis le début du PSVR 2, même depuis, même avant. C'est une tendance, ouais. Que ce soit en plat ou que ce soit en VR, tu peux pas sortir ce genre de jeu-là. C'est tirer une balle dans le pied que de sortir un jeu dans cet état-là. Faut faire des priorités. Hein. La priorité, c'était franchement de régler cette résolution. Et puis, voilà, quitte allez, à ce qu'il y ait quelques bugs et tout, mais que le flow du jeu, voilà, soit pas gâché par du clip, ouais. Des ennemis qui pop et des crashs, des trucs comme ça. Et des errances dans l'escalade. Parce que le jeu aussi serait beaucoup plus agréable si tu savais où est-ce que tu pouvais ancrer avoir tes points d'ancrage, quoi. Ça marche pas. C'est grave dommage. S'il avait été plus joli et qu'il ne crachait pas, le traitement aurait été, ce serait passé d'un pouce rouge à moyen. Parce que voilà, mais là, c'est non catégorique. Ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas maintenant. Mais c'est voilà, maintenant. Voilà. Mais j'ai quand même envie de dire, voilà, si on voit vraiment une amélioration dans les prochains patchs ou dans les prochaines semaines ou mois, on le dira, on couvrira, on montrera, on le montrera, on fera. Un demi-test, un petit let's play pour montrer vraiment les grands changements. Et on en parlera vite fait dans l'émission, on va pas se faire chier non plus. Hein. C'est bon, on va pas faire tout le boulot. Hein. Ah non, mais moi si j'aime bien et tout machin, parce que voilà, au départ je commençais à prendre mon pied, hein, mais après ça a été la dégringolada. Hein. Ouais. Non, mais c'est sûr, c'est marrant de planter les mecs un petit peu à droite à gauche, prendre des températures, des choses comme ça. Entendre les petits pouic, c'est marrant. Quand tu fais la jouissance, la satisfaction que t'as quand tu balances ton couteau et que tu tapes la tête. Oh oui. Donc tu sais, t'as quand même ce petit moment de jouissance, tu vois, comme dans Set and Sinners. Tu sais, quand t'arrives à jouer au couteau, mais tu prends ton pied. Et là, ça commençait, ça flirtait un peu. Mais... Bon, la physique a l'air loin de Saints and Sinners quand même, oui. Ce que j'ai vu. Mais oui, non, mais c'est loin, mais c'est rigolo. Mais ça m'a fait marrer au début de la mission 2. Il fait semblant d'avoir une bonne physique à la Saints and Sinners, c'est-à-dire qu'il te file une batte de baseball, par exemple. Tu prends la batte de baseball, t'as la possibilité de la prendre à deux mains, et tu sens que la batte, elle a un poids. Elle tangue un peu. Pas, ouais. Tu vois, elle a un poids vraiment comme dans Saints and Sinners, et t'as ton premier ennemi forcément qui est en train de surveiller une porte ou un mur, tu sais, mais le pif contre le mur, genre vas-y, frappe-moi le crâne. T'arrives avec la batte, et là, tu te rends compte que c'est vraiment pas Saints and Sinners, quand t'as aucune sensation ni quoi que ce soit, ça poc. Ah non, t'es obligé de te reprendre plusieurs fois. Que... Tu t'y prends plusieurs fois pour le taper dessus. Voilà, bon, tu peux le faire. Ouais, mais... C'est pas lucide. Non, c'est pas lucide. C'est vrai, c'est comme si tu tapais sur des bouts de bois en fait. Poc, poc. Tu vois, c'est les mecs qui sont pas des bouts de bois, c'est pas mou, des morceaux de polystyrène, je trouve. L'enfoncer, tu vois, dans le crâne. Par contre, c'est dommage parce que c'est pareil, ça a un petit côté de gameplay. On te file un katana à un moment donné. T'as un katana et là tu tranches des têtes, tu tranches des corps sur la longueur et tout. T'as qui s'ouvre comme ça, tu peux trancher des jambes. Tu commences à vraiment à kiffer, à découper, quoi. Ça devient sanglant. Alors quand ils disent ouais, tu peux zapper le gore, enfin franchement, s'ils appellent ça gore, c'est chaud. C'est très très light, mais tu vois, il y a des bonnes idées, mais tout est foiré. On dit ah, ça c'est cool, ça il est juste tout petit peu en dessous d'être moyen bon, quoi. Un tout petit peu en dessous d'être moyen bon, et c'est dommage. Il y a du truc. Non, mais il est pété. Ce qui est bien, il faut quand même l'améliorer et faire en sorte que ça marche du premier coup, quoi. C'est parce que c'est le genre de truc, c'est le genre de jeu en fait. Si tu es coupé dans ton flow de parcours parce qu'il y a un bug et parce que ça fonctionne pas, putain, t'as la rage, quoi. Il y a rien de plus rageant. Et si tu meurs à cause de ça, foiré. Si tu meurs à cause de ça, c'est pire. Et ça arrive souvent. Et si ça crache à cause de ça. Ça crache. Et si tu recommences et ta sauvegarde, elle merde parce que l'objectif machin, il a pas été sauvegardé. Non, mais voilà, ça fait trop de. Voilà, ça fait si, trop. Si, et si. Voilà, on a envie de l'aimer, voilà, non, c'est pas possible, quoi. Faudrait un système de vote à la The Voice, tu vois, qui couvre nos têtes, genre bang, bang, bang. Alors on vote maintenant, ouais, tu vois. Ouais, il faudrait ça. Bon, là, c'est quatre croix. Hein. C'est quatre croix. C'est unanime. Hein. Voilà. C'est unanime. Enfin, non, voilà. même sans l'avoir fait, pour l'instant, j'ai pas envie d'y aller. Trois croix et un, je m'en branle. Un complet. Quoi, voilà, c'est ça. C'est avec un oiseau, tu sais. J'y passe quoi. Un oiseau ou une abeille? Non, ras-le-bol de... Moi j'aurais bien... Tout à l'heure on parlait de Mirror Edge. C'est un Mirror Edge que je veux, c'est pas un Mirror Edge like. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et puis d'accord. Après l'autre truc, c'est ce que vous avez dit, quoi. C'est ça serait une fois, deux fois, tu dis rien, mais là ça devient trop fréquent, ce genre de choses, et ça devient rageant, et voilà. Et ça dessert la VR. C'est que voilà, ouais. C'est un truc. Et le pire dans tout ça, c'est que le studio poste sur Twitter régulièrement et le trailer a l'air très beau. Donc il y en a qui vont se faire avoir en fait. Quand tu vois le trailer qui est sur Twitter, qui a été posté il y a 5 heures là, tu vois le trailer, tu dis putain, c'est ça le jeu, je le prends. C'est mensonger et ouais, ça va pas quoi. Ah, mais clairement. Tiens, ça me donne une idée de vidéo, tiens. Ah, je vois où tu veux en venir. Tu vas prendre le trailer et tiens, j'ai montré Reality. Voilà, caca. La VR c'est caca. C'est caca. Mais alors que t'as Madison qui a montré des comparatifs de la version plate et des graphismes de la version plate et des graphismes de la version VR, très très vite. Tu vois qu'il y a du boulot. Et quand tu as le jeu dans le casque, tu vois que les mecs ont bossé. Madison, c'est pas pareil. Ouais, non, mais c'est pour te donner une comparaison, en fait. C'est que les mecs, ils ont dit, voilà ce qu'on fait. Alors, c'est sûr qu'on n'avait pas tous les trailers pour nous donner du petit grain, pour nous donner à manger et nous aider à patienter. Même des trailers de gameplay, hein, on les a eu très, très tard. Mais le résultat est là. Et il n'y a, pas d'arnaque... et d'erreur sur la marchandise. Là, le truc, c'est vraiment, on va vous niquer. Et ça, c'est pas, on va vous niquer, si on tente sur un malentendu, ça peut passer. Oui, parce que on va vous niquer. On vous balance un super trailer, on vous appâte. Il y en a qui vont pas suivre les infos, qui vont se faire avoir, et on va faire des ventes. Et puis, tu sais, Laurent, il a toujours pas digéré After the Fall. Alors celui-là, il a pas prévu faire jouer quoi. T'es un regard comme as là. En plus, c'est un studio de Moscou. Bref. Ah non, il n'y a pas de teuteux. Il n'y a pas de teuteux. Bref. Il y a studio de Moscou qui s'est barré à Chypre et on sait pourquoi il est parti à Chypre. Donc, bon. Le soleil. C'est ça. Ouais, bien sûr. Le ouzo, c'est pour le ouzo. Exactement. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près de Stride. En tout cas, Stride Fate, c'est un jeu qu'on ne peut pas vous conseiller en l'état. Non. Madison, oui. Stride, non. Oui, voilà. Madison, oui. Stride, non. C'est dommage. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Messieurs, à moins que vous ayez... Si, tu as un autre test, Elroku. Oh, putain. Ou alors on le garde pour la semaine prochaine. Non, je disais ça. Non, non mais y a pas... Mais après... Après, c'est... Oui, on peut faire un test rapide. Parce que, speed. C'est un jeu qu'on connaît. Allez, 5 minutes. 5 minutes. Tu me le vends en 5 minutes. Alors, ok. Je te le vends en 5 minutes. Oh là, putain, c'est Doctor chaud. Doctor Who, vas-y, okay. Go, c'est à toi. Doctor Who, alors, ok, The Edge of Time. Doctor Who, jeu PlayStation VR 1 qui était déjà très très bien, très très beau sur PlayStation VR 1, qui est également très très beau sur PlayStation. Alors, faut nuancer. La version PlayStation 1, elle est respectée et elle est très bien transposée sur PSVR 2, même si on pousse pas. Voilà les curseurs à fond, mais le jeu est 100 fois plus beau que par exemple Stride. Au hasard. Voilà, par exemple. Le jeu, alors on va dire là, quand même les côtés positifs, c'est que voilà, le jeu est beau, le jeu est immersif, le jeu est narratif, ce qui est à la fois bon et mauvais parce qu'il est peut-être un petit peu trop narratif avec... faudra plus que 5 minutes. Mais on contrôle pas Docteur Who, on contrôle une personne qui se retrouve dans une sorte de boucle temporelle et tu es contacté par l'intelligence artificielle du TARDIS, donc cette espèce de cabine téléphonique qui renferme la machine qui permet au Docteur Who d'aller dans vaisseau, l'espace, quoi. Le temps, dans le vaisseau. Je connais pas très bien la série, mais ce jeu me donne envie de regarder la série, en fait. Tellement que c'est riche, en fait, dedans. Donc voilà, l'intelligence artificielle te contacte, te dit que voilà, c'est le bordel, toi tu vas qu'il faut retrouver le docteur et accessoirement sauver un petit peu voilà le monde au fur et à mesure. Et bah voilà, tu traverses différentes époques, tu traverses différentes environnements, dimensions, avec son lot de voilà ses habitants. Tu vois des aliens, tu vois enfin c'est pas des aliens mais des créatures assez bizarroïdes, plutôt menaçantes. Tu rencontres les fameux anges en statue qui apparemment sont très célèbres dans la série et qui et la partie, le petit côté très horrifique de Doctor Who. Et donc voilà. Et c'est un jeu qui très narratif, trop narratif, parce que ça reprend des vieilles mécaniques de gameplay de la VR. C'est-à-dire que ça va blablater. La personne, l'intelligence artificielle va t'accompagner dans toutes les étapes du jeu. Voilà, tu devrais regarder derrière les photos, tu devrais... Ah tiens, il y a un code. Ah bah tiens, je vais taper le code. Tu essayes d'appuyer. Tu n'y arrives pas, mais c'est pas grave, le code se fait tout c'est seul. C'est l'escape game en le fait, non aussi. C'est aventure escape game un peu, non? C'est escape game, mais un escape game facile. T'as pas de phase d'action, c'est ça que je veux dire. T'as une phase de stress avec les anges, mais t'as une phase assis. T'as une phase d'infiltration où t'es dans un environnement assez Égypte, égyptien, les pyramides. Enfin voilà, t'as des genres de temples dans le désert, tout ça, avec des soldats qui sont en fait des robots. Enfin ouais, c'est des robots contrôlés ou plutôt des mécas contrôlés par les habitants de la planète dans la dimension. T'essayes d'expliquer le scénario de Doctor Who, c'est peine perdue. Hein. si tu connais pas la série, ça ça va dans tous les sens. Hein. Ah bah, non, ça va dans tous les sens, mais juste bah, ce jeu-là va dans tous les sens. Respecte. Ça suit une ligne, mais ça va dans tous les ça sens. Ça respecte. Mais l'esprit. Ça respecte. C'est franchement, je pense, on kiffe Doctor Who, on kiffe entrer dans cet univers-là, ce jeu-là. On va certainement retrouver plein d'easter eggs. De références. Ouais. Voilà. De référence, c'est assez riche là-dessus. C'est efficace, il y avait de bonnes mécaniques, mais voilà, c'est un jeu d'ancienne génération. Il faut pas s'attendre. Alors, il y a une phase d'action où on est justement dans l'un des robots et puis on shoot un petit peu tout ce qui bouge. Mais c'est à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on contrôle pas le robot, on se contente juste de tourner la tête, voilà, et puis de shooter les ennemis et de shooter ce que l'intelligence artificielle nous dit de shooter pour pouvoir progresser. Et puis voilà, ça, en fait, ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire. Le jeu est très joli. L'ambiance sonore, elle est là. Il y a des moments où, alors les musiques, voilà, c'est les musiques de la série. L'ambiance sonore, on sent dans la preview, dans le tout début du jeu, où tu es dans une laverie, où tu arrives à sortir de la laverie, bah tu vois que voilà, le ciel est rouge. Tu sais pas pourquoi. Il y a tout qui gronde, il y a une atmosphère vraiment mais pesante, et des vaisseaux aliens qui voilà te recherchent, parce qu'ils recherchent le TARDIS, qui est on va dire un instrument qui est surpuissant, parce que qui manipule le hautement temps convoité, voilà tu manipules le temps, bah tu as le pouvoir, quoi, tu as le pouvoir d'influencer sur tout quasiment. Et voilà, pour venir au scénario, voilà, c'est le temps, c'est central. Il y a des pierres, il y a trois pierres temporelles à retrouver dans les différentes époques et puis les différentes dimensions. Et une fois que tu as retrouvé ça, voilà, tu as la révélation de l'histoire. Voilà, le jeu est très très court. Franchement, on c'est le termine 3 heures, en 3-4 heures. 3-4 heures, ouais. 3-4 heures, plutôt 3 heures, ouais. Quand on rush, hein, que voilà, on fait ouais, ok, qu'on ne regarde pas trop les détails. Et par contre, ce qui est sympa, bon déjà le jeu est à 12-13 euros. Et si vous avez comme moi la version PlayStation VR 1, vous contactez le studio. Alors j'ai mis le lien dans la description de la preview. Le mail, et vous leur donnez une preuve d'achat, donc c'est une facture classique. Et ils vous offrent le jeu, voilà, en clé gratuitement. Donc c'est plutôt cool, c'est une bonne initiative. Le jeu est pas cher. Pour un jeu qui est une petite production, voilà, une demande de la BBC, c'est plutôt respectueux de l'environnement. C'est beau, ça se fout pas de la gueule des acheteurs. Et moi, perso, je valide. Perso, je valide. S'il avait été plus cher, j'aurais dit vraiment si vous êtes fan. Mais là, pour un petit jeu popcorn, bonne pioche. Ça se laisse. Ça se laisse, voilà, ça se laisse déguster. Et si voilà, vous l'avez pris à l'époque sur PlayStation VR 1, bah, allez-y, hein, faites-vous plaisir, c'est gratuit. Moi, je l'ai fini sur PlayStation VR 2. Parce que je m'étais arrêté justement à la pyramide et il restait pas grand chose. Je me suis rendu compte qu'il restait pas grand chose. Et puis voilà, c'est sympa. C'est plutôt sympa. Point négatif, l'intelligence artificielle qui parle trop. Mais clairement trop. Comme c'est souvent le cas. Blablabla. Ah, bla, bla, qui a une voix qui peut agacer, qui peut rappeler le quotidien. Mais. Non, je plaisante bien sûr. Mais voilà, il y a des petites énigmes qui sont parfois chiantes. Moi, une petite énigme où. Voilà, il y a un truc où il faut bouger, aligner des choses, et quand tu bouges certaines choses, c'est sur trois plateaux, et quand tu bouges une chose, et ben ça bouge deux plateaux, si tu bouges le deuxième plateau, ça bouge que un seul plateau, et le dernier bouge les trois en même temps, mais dans différentes directions, et quand tu dois aligner le tout, c'est casse-tête, j'ai horreur de ce genre d'énigmes, mais voilà, t'as des énigmes qui peuvent être un petit peu casse-burne, mais sinon, c'est pas insurmontable, ça va, ça reste fluide. Ok. Donc, bonne pioche. Jeu popcorn. Bonne pioche. Bonne pioche. Respectueux en tout cas de la licence d'origine. Pour les fans et surtout, et même pour ceux qui ne connaissent pas, parce que vu que tu ne connais pas et que tu as quand même kiffé. Et que ça me donne envie. Bon, le délire des anges là, franchement, c'est pas mal. C'est un épisode culte, ça. Clairement. Ouais, apparemment, voilà. Bon, ceux qui connaissent, bon, voilà, ils ne seront pas surpris, mais ouais. C'est limite, tu as l'impression que ça utilisait déjà le PSVR 1, utilisait l'eye tracking qui n'existait pas. Tu vois, à ce moment-là, donc c'est les anges en fait sont là pour vous tuer, et si vous les fixez, ils bougeront pas. C'est des statues, voilà, imposantes, menaçantes aussi, qui révèlent leur côté pas très ange une fois qu'elles vous ont attrapé la gorge. Mais voilà, il faut pas les quitter des yeux, sinon elles bougent et elles avancent vers vous très vite. Donc quand on tourne la tête et qu'on se remet, poup, et pareil, le sound design. T'as la musique là, le petit coup de violon, tu sais, zing, un petit peu à la psychose, tu vois, qui est très efficace. Donc ça te met vraiment cette pression là, du genre oh merde, putain, merde, je cligne pas des yeux. Ils auraient utilisé ça d'ailleurs. Ça aurait pu marcher. Le clignement des yeux. Oh purée. Oh, être comme ça là. Oh, putain. Vite crachez-moi dans l'œil, purée, je vais cligner. Chose qui, à part dans Switchback. N'est pas trop utilisé hein. Le fait de cligner des yeux, mais surtout dans les jeux d'horreur, c'est utilisé mais pas à bon escient, parce que dans Switchback t'as l'impression qu'il faut pas cligner des yeux pour passer au-delà, enfin pour continuer l'aventure, tu vois, du genre tenez 30 secondes sans cligner des yeux, ok, très bien, mais non, en fait dans Switchback t'es obligé de cligner des yeux parce sinon que ça avance pas. Buter. Oui, bien voilà, sûr. Il faut buter les ennemis, et pour les buter, bah, il faut que tu. Non, mais je veux dire, la technologie n'est pas utilisée dans une mise en scène d'un jeu d'horreur, mis à part. Malheureusement, non. Quoi. C'est très bizarre. Malheureusement, non. Et voilà, c'est vrai que ça aurait ajouté un petit truc dans cette scène-là. Donc, c'est dommage. En tout cas, on conseille, et puis voilà, c'était déjà une bonne pioche à l'époque sur le PSVR. Là, il est carrément sublimé sur PSVR 2. Donc, bah, c'est respectueux. Déjà, ça fait du bien. Ils ont pris la version, elle est pas dégueulasse en fait. Ça passe plutôt bien, et voilà, tous les petits moments de tension et tout, bah, ils sont très bien retranscrits, je trouve. VR Caviar serait pas trop d'accord avec moi, il serait certainement plus critique que moi, moins un bon public, mais voilà, moi pour ma part, j'ai passé un très très bon moment et j'ai été content de le finir, voilà, sur cette version là, qui est beaucoup plus agréable vu que forcément VR Sense oblige, voilà, les sticks enfin, et puis voilà, très bien, donc oui, mais bah oui. Merci elle en tout cas pour ce test enfin avec 3 semaines de retard facile minimum. De quoi, 3 semaines de retard? On voulait en parler il y a 3 semaines et on l'avait pas fait parce que on avait déjà fait suffisamment. Bah après, malheureusement, bah, c'est pas forcément l'un des jeux les plus attendus. Et puis, ils n'ont pas communiqué spécialement. Donc, je pense que, hormis les fans et les petits curieux. Bon, ouais, c'est vrai. Voilà. Mais voilà. Il est là, il existe. Et puis, il fait très bien le café. Très bien. Et ben voilà. Faites votre avis vous-même. Le jeu n'est pas trop cher. Donc, c'est plutôt pas mal. On va passer à la suite, du coup. Est-ce que je mets directement un coup de canif dans ce que j'ai dit au début d'émission, c'est-à-dire qu'on vraiment se concentrait sur le PSVR 2, ou est-ce que je peux me permettre de parler d'un jeu plat, modé, sur PC, donc c'est-à-dire craché. Bah, forcément, modé, c'est forcément. Ouais. Sur donc PC. Craché totalement sur tout ce dont. Pas de souci. Il y a GTA 6 qui arrive à l'automne 2025. Il y a Take-Two qui vient d'annoncer. D'accord. Automne 2025. Ok. À la rentrée. Cool. Okay. Il sera en VR. Voilà. Modé. Certainement. Modé. Bah, vu que Red Dead est modé. Pas trop y compter, mais on verra. Voilà. Bon, moi je voulais juste parler, mais je vais en parler très très vite fait, d'un jeu plat du coup qui est sorti sur PS5. Et sur PC en plat, qui est sous Unreal Engine, donc forcément il est modable avec le mode de Predog. C'est Indica, un jeu complètement barré en TPS, entre autres, qui est un jeu très original en fait, parce que on suit les aventures d'une nonne. Ça commence dans un couvent. Et c'est un jeu complètement perché en fait, qui est plus c'est plus un jeu narratif avec des parties de gameplay qui sont prétextes en fait, justement pour jouer avec les codes du jeu vidéo et à te faire poser des questions qu'un jeu avec un réel challenge. Mais je voulais en parler parce que voilà, moi je l'ai découvert du coup en VR et on se répète depuis maintenant des années là-dessus. C'est ce qu'on veut, moi c'est ce que je veux, des jeux comme ça qui soient portés nativement en VR, en TPS, avec donc parce que la majorité du jeu du coup est en TPS en 3D. Y a des parties du jeu qui sont en 2D, qui reprennent les codes des vues RPG de l'ère Super Nintendo, et ça fonctionne aussi bien. On a déjà vu des jeux comme ça, natifs comme Bloody Zombie qui était sorti sur PSVR, ça fonctionnait bien. Là, ça fonctionne bien aussi, c'est-à-dire que tu as tous tes plans. En fait, c'est comme si tu avais ton décor en 2D, en pixel art, mais avec plusieurs plans en fait volumétriques que tu vois pas en plus en plat et que tu découvres justement en VR, et ça fonctionne super bien. Voilà, c'est tu vas nous dégoûter encore. Hein, mais donc, tu vas nous dégoûter. Donc c'est complètement un ovni ce jeu, vraiment, même si c'est uniquement pour le découvrir en plat, allez-y, foncez, parce que c'est une petite pépite narrative. En tout cas, moi ça m'a beaucoup beaucoup plu. Puis ça a l'air bien malsain aussi. Alors, très très malsain. Il est vendu un petit peu comme un jeu d'horreur, c'est clairement pas un jeu d'horreur. C'est un jeu par contre qui aura des scènes très étranges et très déstabilisante, on va dire. Comme on voit les zooms sur des gros tarins, ouais. Sur les mecs et les nanas qui sont pas forcément les plus esthétiques, ouais. Mais c'est assez bizarre. C'est comme si on avait une vision de bourré. Tout est un petit peu cauchemardesque en fait. Alors il y a ce truc là en fait, justement, en VR ça fonctionne vraiment pas bien. En fait c'est de l'eye fish, je crois qu'on appelle ça comme ça, il me semble, ou fish eye. Ah, je te fais confiance. Et en fait c'est une façon de filmer en grand angle des visages très très près au cinéma. En VR en fait t'as vraiment l'impression, et ça te déforme en fait la vision en réalité virtuelle, et t'as l'impression que le perso vraiment il a sa gueule sur la tienne, quoi. Et c'est très déstabilisant, et ça change aussi un petit peu l'échelle du monde qui t'entoure. Si t'es pas habitué vraiment à la VR et si t'es pas bien accroché, à mon avis c'est ultra gerbotron ce truc là. Mais bon, si tu fais abstraction de ça, tu peux quand même profiter, parce que c'est que dans des scènes cinématiques, hein, que tu vois ce type d'effet là. Si tu fais abstraction de ça, franchement, tu profites quand même. Et le jeu te pose toujours des questions sur la religion, sur qu'est-ce que l'amour religieux, qu'est-ce que le véritable amour. Le personnage se pose beaucoup de questions sur sa foi. Le diable lui parle tout le temps, se fout de ta gueule tout le temps, et se fout de la gueule du personnage. Ça casse le quatrième mur. T'as des effets de mise en scène qui sont très cauchemardesques. C'est pas de l'horreur, c'est cauchemardesque, c'est grotesque, c'est absurde. ça a rien à foutre là en fait. Et c'est du coup intriguant. Il y a un détail qui m'avait vraiment plu au tout début du jeu, c'est que t'es dans un endroit très austère. Hein. C'est le couvent. Tu dois aller chercher de l'eau au puits sous la neige. La nonne, elle galère. La vie de rêve. Voilà, la vie de rêve, vraiment. T'es là pour en chier. Et tu vois sur une étable, t'es pas obligé de le voir, en plus tu peux complètement passer à côté, mais tu vois une chèvre géante dans une étable, mais le truc qui fait 12 mètres de haut, hein, le truc énorme, qui a rien à foutre dans un décor réaliste, et tu vois ça justement. Tu peux complètement passer à côté, et là le jeu il m'a dit, c'est bon, il m'a hameçonné, et j'avais vraiment envie de découvrir ce qu'il voulait me raconter. T'as plein de petites choses comme ça, je vais rien raconter. Très symbolique. Bah, la chèvre, c'est un peu symbolique. C'est complètement ça, symbolique. Ouais. Mais tu vois, le jeu joue entre le côté très réaliste et le côté cauchemardesque, grotesque. T'as des trucs qui n'ont rien à faire ici. T'as des bougies devant des icônes religieuses que tu dois allumer. Ça te fait gagner des points qui apparaissent sur des espèces de jetons en pixel art dans le jeu. Comme si la nonne, en fait, elle avait besoin de ça, justement, pour justifier ses actions. Pour gagner des points d'expérience. Des points d'expérience que tu vas utiliser ensuite pour gagner plus de points d'expérience, soit des multiplicateurs. Et quand tu vas les sélectionner, c'est comme si tu les sélectionnais en fait des aptitudes. L'aptitude, ça va être la honte. Tu gères plus la honte, et ben du coup, ça va te faire gagner 5 points d'expérience en plus tout de suite. Ou sinon. Oula, catégorie jeu. Un jeu ultra chelou. Donc forcément, moi j'ai adoré, hein, clairement. Et le découvrir en VR, bah, ça a été une bonne claque. Le jeu est magnifique, il n'y a pas à tortiller. C'est un jeu indé, mais le jeu est vraiment sublime. Les visages sont super beaux, la mise en scène est vraiment cool. La progression est sympa, mais ça reste quand même un jeu narratif. Il ne faut pas s'attendre à un gameplay vraiment poussé. On dirait un peu comment un jeu comme... de Cage là, avec tout le Indigo là, Fahrenheit et compagnie là. Ouais, bah il y a tout. Oui, bah t'as avec les cyborgs. Ah, Détroit. Détroit, voilà, ça ressemble un petit peu à du narratif comme ça. Ouais, beaucoup moins classique que Détroit. Beaucoup moins classique. Détroit était quand même très très classique. Celui-là, il va toujours te poser des questions et changer le gameplay aussi. Et t'as parfois des très très bonnes idées, mais tu vois, ça va être des idées qui vont pas être exploitées dans une logique en fait de progression, en t'apprenant des nouvelles façons de débloquer, enfin de solutionner des puzzles. Tu vois, par exemple, t'as un truc, à un moment le décor se déchire en deux et devient infernal, tu vois. Ça te change en fait, ça te bloque par exemple certains passages, parce que après tu te retrouves avec une faille entre l'endroit où t'es et puis là où tu dois aller. Et tu dois faire prier en fait la nonne, elle prie, et du coup ça remet le monde normal. Et dès que t'arrêtes de prier, ça redéchire le monde, et t'as le diable en plus qui te parle et qui se fout de ta gueule pour te déstabiliser tout le temps. Et en fait t'as des petits puzzles, t'as des petits passages qui te permettent justement de jouer entre ces deux réalités. Et pour pouvoir progresser. Et c'est des trucs. Il y a des jeux, tu vois, qui utiliseraient ce type d'idée de gameplay tout le long du jeu. Mais là, tu vois, c'est utilisé 2-3 fois dans le jeu. Et après, ça passe complètement à autre chose, à d'autres idées. Un peu schizophrène, c'est même. Oh, mais totalement. Non, mais c'est un jeu de péter de la tête, hein, complètement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est surtout les regards. Dans ce jeu-là, les regards des personnages et tout, c'est assez malaisant. Tu peux pas, c'est bien retranscrit. Tu peux pas le mettre en défaut, en tout cas au niveau des expressions des visages. Ouais. Quand, là, je vois les images et tout, mais c'est vrai que d'un point de vue expression du visage, c'est très, très, très convaincant. Il y a juste un passage, et surtout en VR, qui m'a vraiment foutu mal à l'aise. Et j'ai pas vraiment envie de spoiler. Je vais juste dire un personnage qui siffle. Un personnage qui siffle. Je me suis rarement senti aussi mal à l'aise en VR. La scène est longue et j'avais pas envie d'être là. Vraiment pas. Tu sais, comme quand je te parlais de Martha is Dead et qu'il y avait un truc qui m'avait vraiment touché et qui m'avait vraiment foutu mal à l'aise. dans le côté vraiment sacré de ce que tu faisais, qui me gênait et que j'avais pas envie de faire. Et bah là, c'était exactement la même chose. J'avais pas envie de rester dans cette situation. Et c'est, ça dure 15-20 secondes, mais c'est long. C'est ultra long. Donc, Ah, mais c'est bien les trucs comme ça qui marquent. Ah, qui marquent, voilà. Qui marquent vraiment. Ouais, c'est bien. C'est ça les bons petits jeux, tu vois, les petites pépites. Ouais. Que j'aime ce bien. Genre de jeu-là, ouais, moi, d'accord. Je le veux en VR de base. Je veux que les développeurs, justement, ils développent des trucs VR. Ça passe trop, trop bien. Ça marche ultra bien. C'est déstabilisant. Bah, c'est t'es. Fait pour. C'est super. J'adore. Après, il est sur PlayStation. Hein, ouais, c'est ça. Il est sur PS5. Sur PlayStation. Donc, bah, il n'y a plus qu'un. Hein, mais il est sur PS5. Il est sur PS5. Voilà. Après, est-ce que le studio, ben, c'est du style... à faire, tu sais, un petit mode VR après, après si leur jeu a un succès. Tu veux que je te fasse rêver? Le développeur, il s'appelle Oddmeter. Ok. Leur premier jeu, tu sais ce que c'était? Je l'ai un vu, jeu ouais. VR sur PC. C'était Sacralite, c'était un jeu d'archet, pareil aussi avec des visages qui étaient vraiment bluffants. Et ils ont commencé avec un jeu VR en 2018, tu vois. Il n'y a plus qu'à les gars. Il n'y a plus qu'à les gars, quoi. Faut y aller, putain. Parce que, ouais, on dit toujours que les jeux se ressemblent, que c'est toujours du copier-coller, que ça n'a aucun intérêt. Non, non, il y a encore des grosses surprises. Celui-là en fait partie, clairement. Ouais, mais c'est toujours pareil. Hein. Ça va être les petites pépites comme Madison qui vont plaire déjà à des convaincus. Voilà, mais les curieux voilà, qui ont déjà certainement une opinion. Pas forcément bonnes ou qui n'ont pas du tout d'opinion sur la VR. Est-ce que ça va les faire tiquer? Je sais pas. On attend que la nomination du trio de la Triforce chez Sony fasse quelque chose. On va dire qu'il y a une bonne configuration. Bon, je parle pas du financier, mais voilà. Mais maintenant, il faut donner ce qu'on veut. Et puis tellement de choses à faire. Essayer de marier les deux, hein, comme on disait en début d'émission, que un jeu de football, bah, ça soit un FIFA, un Pro Evolution Soccer, et que le mec en plat, tu puisses y jouer avec un gars en VR, et puis voilà quoi. Tellement de choses c'est à tout. Faire. C'est pas compliqué. C'est tout. Remettre des gameplays comme. Ça, je crois qu'il y a certains jeux qui faisaient ça, mais certains qui sont sur leur téléphone. Bah, tiens, attends, c'était The Persistence. Oui. Où tu avais un mec qui pouvait se connecter sur son portable et puis te faire chier à rajouter des pièges. Mais marier les trucs comme ça, rajouter des gameplays. Et justement, ça va tiquer, dynamiser, attiser la curiosité. Mais c'est sûr. Même, moi, je le prends, hein, Indica. Mais ça, même en plat, hein, je le prendrai. Ça va te plaire en plat aussi. Hein. Mais. Ouais, bah de toute façon, tu sais que j'aime bien les trucs toi, tu vas kiffer. Ouais. Même Laurent, je pense, celui qui aime bien justement les Last of Us. C'est une grosse curiosité narrative et surtout graphique. Bah, ce que je viens d'entendre déjà, c'est qu'il y a plein d'idées. Ah oui! Et déjà, ça, c'est largement au-dessus de tout ce qu'on a en ce moment. Donc rien que ça, ça m'intéresse. Ouais. Pas très long, hein. Pas très long, il se termine en 6 heures, 7, ouais, 6 heures à peu près. Puis il n'a pas l'air moche surtout. Oh non, il est très beau. C'est très beau. 6 heures, pour moi, ça reste quand même la durée de vie, on va dire, d'un jeu normal, tu vois. C'est ni trop court, ni trop long. Pour moi, c'est la bonne durée. Hein. Et faut pas oublier que les meilleurs jeux d'aujourd'hui, donc sur lesquels on jure. Les Resident, les Silent Hill, c'est, quand tu les connais, c'est 1h30, 2h grand max. Hein. Il est à 25 euros. Il est à 25 euros. Voilà. Dès qu'il va franchir le cap du physique, moi je le prendrai à ce moment-là, mais pour le moment, je le regarde du coin de l'œil. C'est eux qui avaient fait Sacralite sur PSVR. Oui, ah bah, il était sorti sur PSVR aussi. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Le jeu d'archer qui était bien en plus. Hein. Qui était pas mal. Hein. Qui était pas mal, ouais. Voilà. Ah mais je sais pas, je vais titiller un peu le studio, voir s'ils ont des projets. Je mettrai de toute façon dans le podcast ce que j'ai capturé en VR. Tu auras qu'à l'envoyer l'extrait pour dire. Vous avez vu, c'est pas mal hein, votre jeu en VR, hein, ça passe bien. Hein. Ah ouais. Bon, Franchement, tu non, penses qu'ils sont ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà, oui, bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr. Si ça se trouve, ils l'ont même développé comme ça, genre, tiens, rajoute ça. C'est... Bon, on mettra pas l'extrait, hein, parce que sinon YouTube strike, mais bon, voilà, quoi. C'est... Il y a de l'interdit, il y a du nude. Il y a des nudes. Ah oui, un truc, c'est ce qui est bien avec la VR, c'est que tu peux voir ce que la mise en scène ne te permet pas de voir en plat, vu que tu es la caméra. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Enfin, nous, on n'en parlera pas non, plus. Non, je ne mettrai pas cet extrait-là. Non, non. Ou alors tu floutes, hein, tu mets des pommes. Ou alors on va mettre peut-être un palier sur Tipeee, voilà, pour truc d'ordure. On va ouvrir un OnlyFans, un Patreon, un truc comme ça, et puis on mettra les extraits des jeux qu'on peut pas montrer. Tout à fait. Et puis, puis voilà, pour ma part, en tout cas, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs ? Ah bah, personnellement, non, on a fait le tour. Gantz ? Non, non. Merci, Laurent. Je cherche encore, mais non. Je cherche encore. C'est pas une chanson de Cabrel, ça, non ? Je sais pas. Je sais plus. Il va falloir en faire une. Ouais. Bah, quand j'espère qu'on se reverra assez rapidement pour un showcase. Un state of play, en tout cas. Voilà. Un state of play, ouais. Ouais. Il y a, dans 4 semaines, ouais, il y a des demandes de savoir si on faisait un live ou s'il y avait un showcase. On verra, on va en discuter entre nous avant, je pense, parce que je vais rien annoncer maintenant. On verra. On va attendre l'annonce. Voilà. Ouais, on n'annonce rien, on verra, et ouais, on verra l'annonce. Qui va pas tarder. On attend l'annonce, on verra, et on verra l'annonce. C'est pas mal ça, je le garde ça. Non, mais surtout parce que le contenu, parce que le contenu il fuite toujours plus ou moins, donc voilà, c'est s'il y a un peu de VR, ouais, pourquoi pas. Parce que pour commenter du jeu plat, moi ça me dérange pas. Moi ça me fait chier. Enfin, voilà. Enfin, moi ça me dérange pas dans le sens où voilà, je suis joueur, quand c'est plat, je me dis ouais je... Attends, sérieusement toi, tu peux en fait j'aime bien tester plein de trucs, je joue pas mal en plat aussi bien évidemment, mais voir des annonces de jeux en plat maintenant, bah, ça m'intéresse, ça me hype plus en fait. Je vois les trucs, toi, des Stellar Blade, des le jeu de Stellar Bull, le jeu de Stellar Bull, ou alors le jeu de samouraï là qui donc plus personne ne parle d'ailleurs, qui vient de sortir. Ouais, Ronin. Voilà. Je m'en branle, hein, vraiment. Ah, c'était leur boule, on en parle. Hein. On en parle encore. Hein, de le souvenir boule. Automata, ouais, super. Ouais. Non, bref. Ouais, bah, je suis d'accord. Mais bon, bah, tu sais ce qui fait parler. Hein, bah, voilà, l'interdit, les dramas, vu que apparemment les versions complètes de Stellar Bull, eh ben, ils ont été déçus parce qu'il y a des costumes qui ne sont pas apparemment très validés par Sony, qui ne sont pas dans la version définitive, tout ça. Donc, ok. Ça parle, ça parle. Bah voilà, au moins, ouais. Quand ça parle, ça ne dit pas de conneries, hein, quoique, je ne sais pas. Non, mais bon, voilà, si y a de la matière, bon, on fera un live. S'il y a matière. On vous tient au jus. Et puis en tout cas, exactement. Merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. Merci les gars d'avoir participé, surtout Laurent. Et puis on se retrouve. On se retrouve quand on se retrouve. Hein, je vais plus donner de date maintenant. On vous fait des gros bisous et puis à bientôt. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. À bientôt. Ciao. Putain, j'ai chaud les gars. Ça. Et, va chercher de la glace, hein, Sei, si t'as. Je suis en train de. Mais je l'ai pris en photo, cette. Elle est juste là. Puis sa mère. Bah non, j'aime bien les abeilles en plus, mais là, putain, je mérite pas ça. C'est plein de démissions, quoi.